bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Pourquoi Buffy c'est génial, épisode numéro 62. Waouh! Eh ouais, c'est énorme, 62. Wow. En générique début, nous écoutions Echo Bailey qui nous chantait le morceau Mouse Almighty, un morceau évidemment tiré de l'épisode du jour, épisode qu'on va commenter. Je suis Sartman, spécialiste sartois de Buffy contre les vampires. Je suis bien évidemment accompagné des extraordinaires Riley et Mallory. Comment ça va? Coucou, ça va. Coucou. Bah, le son fonctionne, donc c'est cool. Hein, bravo. Le son fonctionne. C'est ravi. On fait d'ailleurs un coucou à Xavier à la technique. Hein. Coucou, merci Xavier. Coucou Xavier. Il fait coucou. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir deux invités exceptionnels, Juliette Père et Roxane Michelet. Vous êtes toutes les deux comédiennes. Vous faites également du jeu de rôle sur l'émission Roll and Play. Et vous êtes surtout... Et ça tombe vachement bien. Vous êtes des fans de Buffy. Comment ça va? Oui, on est fans de Buffy. Bah, on est trop contentes d'être là. Donc voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Prête à parler de Buffy pendant tout un podcast. Toute la nuit. On attend que ça. Toute la vie. On est en live sur Twitch. Comment ça marche, Riley, le live Twitch? Les gens, ils sont déjà là. Il y a déjà plein de monde sur le chat. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'on a commencé un peu en retard. Les gens ont eu le temps d'arriver. Si vous voulez nous écouter en live, c'est sur twitch.tv/pourquoibuffy. N'hésitez pas à vous abonner, à follow la chaîne pour avoir toutes les informations et ne rater aucun live. Alors oui, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de Buffy, Riley, dis-nous tout. Oui, alors le sommaire, comme d'habitude, le sommaire, on commencera par la meilleure rubrique, votre rubrique préférée, c'est la rubrique des gros bisous, où on remercie tout le monde. Oui, merci Mallory, c'est un podcast audio, donc pas la peine de faire des têtes bizarres. Puis ce sera l'actualité de Buffy avec le quatrième mousquetaire Big M, en direct de l'Est de la France. On passera ensuite au gros morceau de l'émission, c'est-à-dire le commentaire de l'épisode Doomed, ou la fin du monde en VF, c'est le 11e épisode de la 4e saison de Buffy, que vous connaissez évidemment par cœur. Ce sera l'occasion de parler de blocage émotionnel, du rôle et des... qu'est-ce que j'écris là, ça y est, c'est compliqué. Des rôles et des images dans lesquelles nous sommes coincés. Vous allez voir, les personnages ne peuvent pas sortir de leurs conditions, c'est terrible. On parlera également du personnage de... On en parlera même beaucoup du personnage de Riley, qui prend ici une plus grande importance, notamment il sera au générique pour la première fois. Est-ce qu'on dira du bien de Riley? Évidemment, oui, qu'on dira. Pas sûr. Et si, pas sûr. Ça commence bien. Le forceur, le Riley. Il y aura même un parallèle Buffy-Riley, vous allez voir, c'est exceptionnel. On parlera aussi de tout ce qui fait le sel de la série, donc de l'humour qui est mélangé à des enjeux apocalyptiques qui dépassent les personnages. C'est vrai que c'est assez récurrent dans Buffy. On parlera évidemment, comme d'habitude, de mise en scène, de montage, de costumes et de bagarres, pour une fois qui sont pas ouf. Les bagarres, les chorégraphies sont nulles. Tournez pas autour de ça, quoi. Enfin, ce sera la rubrique des invités avec vous deux, Roxane et Juliette. Yes. On parlera évidemment de Buffy, de jeux de rôle et de tout ce que vous voulez. Hein. Politique, non, peut-être, Sarah. Moi, j'adore quand on parle politique. voilà. Et nos auditeurs et auditrices adorent également. C'est leur moment préféré. Ensuite, enfin, vous l'attendiez tous, c'est le 10e épisode de Reaper, notre fiction audio sur la jeunesse de Tonton Jites. Et enfin, voilà, on passera à la dernière rubrique qui sera vers 2-3 heures du matin. Ce sera, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça, nos recommandations culturelles en lien avec Buffy. Alors, je vous rappelle le principe du podcast. Nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier. Le podcast existe partout sur internet, il est aussi sur YouTube, et je vous rappelle le blog où il y a tous les liens, pourquoibuffycestgenial.wordpress.com, et vous pouvez aussi nous retrouver en passant par notre site partenaire Buffy Angel Show. Tout de suite, on perd pas de temps, la rubrique des gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis! Est-ce qu'il y avait des gros bisous 5 étoiles, Riley? Alors non, scandale, une fois de plus, je m'étais déjà insurgé dans un épisode précédent, il n'y a plus de commentaires sur iTunes, sur Apple Podcast. Moi je suis choqué, les gens ne nous écrivent plus. Ça c'est pas possible. Donc si ce n'est pas déjà fait, allez commenter sur iTunes, mettre 5 étoiles, 4 étoiles ça sert à rien, on est d'accord, mettez 5 directement. Et voilà, on a découvert aussi avec Sartman, on a amené l'enquête, on a découvert qu'il y a des commentaires Spotify aussi, vous dites quoi? Oui, mais on n'arrive pas à les voir, on n'arrive pas à savoir. On voulait pas le dire, mais on le dit quand même. On sait qu'il y a un nombre de commentaires. Ne nous mettez pas des commentaires sur Spotify. En fait, faut aller boycotter Spotify. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Écoutez-nous sur Dailymotion, soyez français. On est pas sur envoyer un pigeon, ça voilà. Sera lu. Ça sera lu. Non mais il y a plein de commentaires Spotify. Merci beaucoup de nous écrire. L'interface est vraiment mal faite et on n'arrive pas à voir vos commentaires Spotify. Donc pardon. Par contre, on a reçu des messages et donc c'est pour ça que je vais faire des gros bisous. Il y a le mail. On fait un gros bisou et un excellent anniversaire à Just Grazzi. Qui a réclamé un gros bisou. Alors, c'est pas beau de réclamer, mais gros bisou quand même et bon anniversaire. Gros bisou à Camille Meffer. Alors, Juliette, Camille Meffer, tu connais ? Est-ce que c'est quelqu'un de ta famille, peut-être ? Ah non, mais c'est une fidèle de la commu Roll and Play. Si voilà ! Parce qu'on a reçu un message fascinant il y a genre une semaine, alors qu'on avait annoncé nulle part ta venue dans le podcast. Le message était le suivant. Il va falloir penser à réaliser le crossover entre vous et Juliette Père. Pitié ! Pitié ! Alors, quand même, pitié ! T'as compris, c'est fait, voilà, tu as été exaucé. Et voilà, donc merci Camille Meffer, enfin, ton vœu a été exaucé. Gros bisous du coup, et, Camille Meffer. Gros bisous, et on a eu la même idée ce soir. Gros bisous aussi à Youpi Lala, qui vient de nous découvrir, qui a 11 ans de podcast à remonter. Courage à toi, Youpi. Gros bisous également à Elodie, qui nous dit qu'on est le meilleur podcast sur Buffy. En même temps, les autres sont pas très... nombreux, mais merci énormément. Et gros bisous aussi à Charles. Ah oui, aussi à Fidel Gastro, dont on a beaucoup aimé le pseudo sur YouTube. Génial. Des gros bisous, Mallory, peut-être. Oui, moi j'ai un gros bisou pour ma copine Sylvie qui nous écoute ce soir pour la première fois et qui est très fan de Buffy aussi. Est-ce qu'elle est sur le chat ? Oui. Ah, je l'ai gros bisous. Gros bisous en direct. Youkoulélé, elle s'appelle. Moi, j'ai un petit bisou à Loïc, aka Manus et Méric, qui sont des rôlistes et fans de Buffy et de l'émission. Donc, gros bisous, Loïc. Surtout Loïc. Roxane, des gros bisous ? Bon, je pense qu'on peut faire des gros bisous à toute l'équipe de Roll and Play. Bah oui, carrément. Voilà. Des bisous à une de mes meilleures amies, Julie, avec qui je regardais Buffy contre les vampires. Et je l'ai à peu près regardée 10 fois avec elle. Donc voilà, énorme bisous. Et un petit bisou à Nabla Lévis. Ah, Nabla. Vous avez reçu. Ouais. Oui, Nabla qui est venue dans l'émission. Bisous, Nabla. Bisous, et Nabla. Qui joue même dans le... Enfin, on te dit pas, mais si t'écoutes la série audio Reaper, peut-être qu'il y aura une surprise. Dans l'épisode Reaper qu'on passera tout à l'heure, ouais, Nabla... On dira pas dans quoi il joue, mais il joue dans l'épisode Reaper. Juliette, des gros bisous. Et bah ouais, moi, des gros bisous à qui très classique, hein, à mes parents, ma mère et ma sœur avec qui j'ai regardé Buffy dès mon plus jeune âge, non, dès mon adolescence, et en particulier à mon papa qui, grâce à lui, a fait que j'ai connu Buffy, quoi, qui m'a offert mon premier coffret DVD saison 1 Buffy. Voilà. Ah non, mais attends, ça c'est génial. Le parce plus que, beau cadeau. Magnifique. Généralement, on regardait Buffy... comment dire, tard le soir, sans que les parents soient au courant, ou alors ils avaient un œil un peu dénigrant par rapport à ça. Oui, c'est ta série pour les débiles là. Enfin voilà, là c'est génial, les parents validaient en fait. Et ben non, ils validaient pas. Enfin, en tout cas, ma mère ne validait pas, donc je ne regardais pas Buffy parce que moi j'étais sage, j'écoutais mes parents. et mon père un jour m'a dit: mais Juliette, il y a une promo là sur le premier coffret de la série, ça t'intéresse? Bah oui, évidemment. Là, c'était le début de la fin, quoi. Bah voilà, oui, parce que dès qu'il y a un coffret, on peut regarder en boucle. Ça, là, les épisodes, et là ça devient dangereux. Gros bisous, c'est bon, on est bon pour les gros bisous. C'est parti pour la rubrique Actu. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on. Twice? Hey Jonathan, over here, quick photo, please. Wait a shot. Another one. That's the prophecy. 5 people have died. In a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God! Doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Oui, rubrique actu de l'incroyable Big M. Donc sans plus attendre, il va vous résumer toute l'actu autour de Buffy et du Buffyverse. Tout ce qui s'est passé depuis quelques mois, parce que finalement ça fait quelques mois qu'on n'a pas fait d'épisode. C'est parti. Hey, hey, hey, bonjour, c'est la rubrique actu, le retour. Moi c'est Big M pour Pourquoi Buffy c'est génial. J'ouvre la chronique de ce numéro, comme souvent, avec un tour rapido autour des carrières de nos comédiens préférés. Et plus précisément avec Julie Benz. Elle sera bientôt à découvrir dans un nouveau film de comédie horreur intitulé Horrified. Ce que l'on sait déjà, c'est que Julie y tient le rôle principal de Jamie et qu'on retrouvera à ses côtés, entre autres et parmi quelques grands noms, Doug Jones et Jason Baer, respectivement dans nos esprits de fans comme l'un des horribles gentlemen et Billy Fordham du lycée Emory de Los Angeles. Sarah Michelle Gellar, quant à elle, fait pas mal parler d'elle. Elle aussi sera à voir dans une comédie horrifique, et ce, dès 2026. Il s'agit de la suite du film Ready or Not, qui sera réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Au courant des derniers mois, Sarah Michelle Gellar et Allison Hannigan se sont retrouvés plusieurs fois lors de divers événements. Plus de 20 ans après la fin de Buffy. Simple coïncidence ? Ou cela est-il un présage d'un potentiel retour de Willow dans la nouvelle série ? D'ailleurs, cette nouvelle série, et si on en parlait un peu ? Quelles sont les nouvelles ? On sait que la série s'intitulera Buffy the Vampire Slayer New Sunnydale, ou peut-être juste New Sunnydale, et c'est la jeune comédienne Ryan Keira Armstrong qui a été désignée par Sarah Michelle Gellar personnellement pour tenir le rôle de la nouvelle tueuse. Le cast de ce nouveau projet s'est d'ailleurs amplement élargi avec un tas de nouvelles têtes à l'affiche, mais dont je ne citerai pas les noms, notamment pour laisser la surprise aux personnes qui veulent le découvrir au dernier moment. Qui plus est, le tournage du pilote est clos. Ce premier épisode qui sera présenté à la chaîne Hulu est actuellement en pleine post-production. C'est la réalisatrice Chloé Zhao qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Le Buffyverse n'est définitivement pas mort. La franchise revient à chaque génération sous une nouvelle forme. En l'occurrence là, je parle d'un nouveau retour de Buffy et Angel en comics avec une nouvelle série, cette fois-ci publiée par Dynamite Entertainment. Je vous reparle un peu de Julie Benz ? Allez. Elle était invitée dans le podcast The Bitch is Back. Vous ne connaissez pas ce podcast ? C'est parce qu'il est tout neuf lui aussi. Et c'est une création de Charisma Carpenter. On termine cette rubrique actuelle avec les conventions évidemment, vous le savez bien. On parle bien sûr de l'événement français à ne pas manquer, la troisième édition de Whispers from the Hellmouth de chez Geek & Cheese. On refait un tour de tous les guests annoncés à ce jour. Vous pourrez donc rencontrer Julie Benz, tiens, mais aussi Charisma Carpenter, Amber Benson, Ken Lerner, ce bon vieux principal flouti, Eric Balfour, ainsi que Stéphanie Romanoff de la série Angel. Et d'autres annonces vont encore arriver. Restez à l'affût des news pour en savoir plus. Les dates, pour rappel, sont les samedis et dimanches 21 et 22 février 2026. Et si vous êtes impatient de vivre une expérience mémorable avec un acteur de la meilleure série, sachez que vous avez l'occasion de retrouver notre Spikey James Masters lors du Hero Festival à Marseille les 8 et 9 novembre 2025. Sur toutes ces belles nouvelles, je vous laisse et redonne la parole à mes coéquipiers. À très bientôt. C'était en train de s'engueuler pendant la rubrique actuelle. Les débats ont commencé. Il y avait des débats sur les ex de Buffy. Toi. Écoutez, est-ce qu'on peut remercier déjà Big M pour cette... Merci Big M. Extrêmement dense, bravo. Moi, je voulais rajouter que il y a de l'actu sur les publications de Buffy Studies, Mallory. Hein, si on veut, tout à fait. Si on veut enrichir notre perception du Buffyverse et aller un petit peu lire du Buffy Studies en français. Qu'est-ce qui s'est passé de beau dernièrement ? Eh ben, il y a une nouvelle traduction qui est sortie sur le site Slayage que j'ai, parce que je fais des traductions de Buffy Studies depuis 4 ans maintenant, je pense. Et la nouvelle est sortie il y a un moment, mais j'avais oublié de vous le dire. Eh ben voilà, tu peux le lire maintenant. Elle s'appelle Aîné contre les vampires, un modèle romain qui explique pourquoi Giles tue Ben. Donc je sais qu'il y a des fans de Giles. Ouais, parce qu'il n'y a pas de fans de Ben, par contre. Dans l'Assemblée, a priori non. Et l'article fait un parallèle entre Aîné et Giles. Exactement, alors, entre l'Énéide de Virgile, ouais, c'est ça, de Virgile, et un article un peu, enfin un essai assez court celui-là, mais hyper intéressant aussi. Autre actu toute fraîche hein, pour celles et ceux qui seront à Paris ou dans sa région le 2 octobre prochain, donc c'est vraiment tout bientôt, il y aura une soirée jeu Buffy, ça va être complètement fou, une soirée pour l'association La Cloche qui vient en aide aux personnes en grande précarité. Donc ce sera, je le répète, le 2 octobre à partir de 19h30 au Cabaret des Merveilles, métro Saint-Michel. En gros, ça va être des jeux, on va faire des jeux sur la thématique Buffy. Ah ouais. Ça va être génial. Voilà. Mais voilà, si vous êtes dispo et si ça vous branche, venez à fond, ça va être trop bien, c'est pour une bonne cause et on va rigoler de ouf. 2 octobre, Cabaret des Merveilles. Tout de suite, parce que voilà, on parle, ça mais suffit, hein. On a un épisode à commenter, hein, quand même. Oui. Sur à peu près un quart d'heure. C'est parti pour l'épisode du jour. Oui. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Donc, épisode du jour, Doomed, la fin du monde en VF, épisode 11 de la saison 4. Il a été diffusé pour la première fois le 18 janvier 2000. L'épisode est écoulé. Oui, ça ne rajeunit pas. 25 ans, parfait. L'épisode est écrit, a été écrit par trois tauliers de la série, Martin Oxon, David Fury et Janice Benson, réalisé par un autre taulier, James Contner. Et donc, il y a une explication pourquoi il a été écrit par trois personnes. Hein, vous savez ou pas? Ben oui, on sait. Parce ah, qu'on a préparé l'émission. Oui, donc tu l'as dit, Martin Oxon, David Fury, Janice Benson, c'est les trois piliers de Buffy. Je me suis amusé à compter pour les gens qui aiment les statistiques. Hein. À eux trois, ils ont écrit 62 épisodes de Buffy, donc c'est quasiment la moitié. C'est le nombre de podcasts qui ont été faits. Exactement. De pourquoi Buffy c'est génial. Incroyable. C'est le nombre de ce soir. Donc un travail de fou, c'est des piliers de la série, on l'a dit. Et en fait, ce week-end-là, ils étaient au mariage de Doug Petrie, donc, qui est un autre scénariste, avec Joss Whedon. Ils étaient tous bourrés au mariage. Et à un moment donné, il le raconte, hein, c'est dans une interview de Doug Petrie qu'il dit ça, c'est qu'il se dit bon, bah, à un moment donné, il faut qu'on aille se bosser, en fait, en plein milieu de la soirée. Donc ils ont écrit ça en deux jours, bourré pendant un mariage, donc en plus en costume, hein, je les imagine bien en costume de mariage. Costume et robe de soirée, ouais, de soirée. Bah, on a des choses à écrire. Ce qui explique peut-être les soucis de cet épisode, mais on en parle. Non, mais aucun souci, il est super, c'est bien cet épisode. Parce que vous n'avez aucun goût. Et oui, aussi, on peut préciser, c'est l'épisode qui arrive juste après Hush. Mmh. Hush, énorme épisode de la saison 4 qui a sûrement demandé énormément de moyens et puis de temps d'implication de toutes les équipes. Donc, on comprend que cet épisode était un petit peu préparé dans la précipitation, peut-être, vu qu'il suivait Hush. Puis il y avait un mariage. Et il y avait le mariage de Doug. Et James Contner, pas de jeu de mots, on avait interdit ce jeu de mots. Bah, on l'a fait il y a 11 ans, mais maintenant c'est fini. James Contner, il a fait 21 épisodes de Buffy. Et comme tu disais, ça a aussi un pilier à partir de la saison 2. Il était là, au taquet. En fait, si vous voulez vraiment des infos sur ce gars, on en a déjà parlé dans The Initiative, The Remplacement, qui sont des épisodes qu'on a déjà commentés. Un petit pitch, Riley, peut-être. Oh merde. C'est la fin du monde, une fois de plus dans Buffy. Trump a été réélu, Poutine bombarde l'Ukraine, l'Israël continue ce massacre à Gaza, Sarko est en prison. Ouais, ça bien. C'est une bonne nouvelle ça. Oui, pardon, ouais. c'est le pitch du monde réel, excusez-moi, de la fin du monde réel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, non, Buffy et Riley ont découvert leur identité secrète dans l'épisode précédent, à la fin, tu l'as dit, dans Hush. Et ils vont enfin s'expliquer là-dessus. Mais c'était sans compter sur la réouverture de la bouche de l'enfer. Dans leur lycée qui avait explosé, souvenez-vous, à la fin de la saison 3. Et donc, bah, c'est le retour au lycée pour tout le monde. Et c'est un peu dans la thématique de l'épisode. Puisque Willow va être remise dans sa catégorie de nerd contre son gré. Et puis, y a un flashback pour tout le monde. Voilà. C'était un super pitch, Riley, merci. Et merci. Surtout quand on parle de Trump et de Sarko, j'ai l'impression que les gens, ça leur a plu. Oui. Tout le monde est prêt, tout le monde a bien compris de quoi l'épisode allait parler. Hein. Oui. Vous êtes super prêtes. Tout de suite, munissez-vous chez vous de votre télécommande, car oui, j'espère que vous allez regarder l'épisode en même temps que nous, c'est ça le but. Nous, on va regarder l'épisode, on va le commenter en direct, scène par scène. Faut être synchro, hein. Lancez votre DVD, réglez-vous sur Disney Plus, les langues et les sous-titres. Et ne piratez pas aussi. Hein, ne piratez pas, c'est mal. C'est volé. Est-ce que vous voleriez un sac? Pardon, mais pour Buffy, il faut pirater. Parce que si tu regardes sur. Tu regardes l'HD, sinon. Ah, c'est ça. Ouais, sur Disney Plus. L'HD dégueulasse, moche, qui est croppé, qui est pas étalonné comme il faut. Sinon, il faut acheter les DVD. Sinon, il faut acheter les DVD. Mais qui a encore un lecteur DVD? Il regarde en VHS. Il faut avoir une console. Ou les ripper. C'est pour ça que là, je vais pas, voilà. Je ne me prononcerai pas. Je veto la Suisse. Alors moi je suis prêt. On est prêt ici? Oui. Je vais vous demander à chaque trop fois. Trop d'enthousiasme. Alors attention, on va lancer l'épisode Doomed. Je le rappelle, épisode 11 de la saison 4 dans 3, 2, 1. Il va dire top. Top, c'est parti. Top. Donc épisode qui commence par un previously, ouais, je l'ai bien dit. Donc le thème de l'épisode apparaît encore plus clairement que d'habitude vu qu'il est carrément dans le titre Doomed, condamné. Hein, et c'est ce que nous montre ce previously, les situations d'impasse, de blocage dans lesquelles se trouvent les personnages de la série. Spike devenu impuissant à cause de la puce dans sa tête. L'histoire Buffy et Riley bloquée par les identités secrètes des deux intéressés, identités secrètes qui ont été révélées pendant l'épisode Hush, hein, l'épisode du savon. Deux secondes avant. et qui se conclut, l'épisode se conclut par Buffy et Riley face à face, voilà, sur ce plan magnifique, qui n'arrivent pas à se parler alors qu'ils ont retrouvé leur voix. C'est de ça dont on va parler l'épisode. Et ça commence direct. Ça enchaîne direct avec le Previously, quoi. Et on commence même avec le même plan, le plan de fin de Hush et le premier plan de cet épisode. Les plans suivants sont... Enfin, en gros, la scène n'a pas été tournée... toute la scène n'a pas été tournée en même temps. Parce qu'on voit que c'est pas exactement la même... Voilà, donc quand le Riley se lève, c'est pas la même lumière, c'est pas exactement le même cadrage. Donc, le tournage de Hush a bien été séparé du tournage de Doomed. Ils savaient pas ce qu'ils allaient raconter, ils avaient un mariage. mais voilà, Capricorne, on reprend dans les la meilleurs. Pardon. Et donc, après un silence un peu gênant, voilà. C'est marrant, c'est parce que Buffy a dit non, mais je suis Capricorne, et essaye de ramener. Je suis normal. Alors qu'ils se sont vus déjà affronter les. Non, mais parce que sa question, c'est what are you? C'est enfin, ça, qu'est-ce c'est que tu es? C'est même pas qui es-tu, ouais. Mais on voit que c'est l'épisode qui suit Hush parce que en fait il commence l'épisode déjà avec des problèmes de communication qui étaient tout le thème de l'épisode précédent. Oui. Et c'est l'épisode où la communication commence à se relancer petit à petit. Oui, mais le qu'est-ce que tu es, tu vois, est-ce qu'il se poserait si c'était pas une meuf? C'est exactement ça. Dans la vision de Riley, une nana peut pas avoir ses super pouvoirs. Ah, il vient de voir Buffy défoncer des démons. Et t'as pas de cicatrice, t'as pas de bleu aussi. Et voilà, et pour lui, c'est hors du commun. Et effectivement, t'as raison, Roxane, je pense qu'il poserait pas la question. Parce que lui, on l'apprendra plus tard, il a aussi des super pouvoirs, il est dopé, tout ça. Et si c'était un gars, il aurait sûrement pas posé ce genre de questions. Je suis pas sûre, parce qu'en même temps, là, Buffy, elle est plus forte que n'importe quel mec. Enfin, sa force, elle est vraiment surnaturelle. Naturel. Et il dit aussi, Riley, que chez lui, les femmes, elles savent se débrouiller et qu'il n'est pas tant surpris par ça. C'est plus ça. Que... C'est juste qu'elle n'a pas de bleu, en fait. Elle n'a pas de marque physique, c'est ça qui le surprend. Un vrai conflit pour Riley toute la série. En fait, il va toujours se sentir inférieur à Buffy et ça va le travailler. Alors, je suis d'accord avec toi, mais il dit, qu'est-ce que tu es? Il dit pas pourquoi t'as cette force ou quoi que ce soit. C'est que parce tout d'un coup, c'est il sent qu'il y a un truc parce qu'il est impliqué aussi dans le domaine un peu ésotérique. Donc il se dit c'est peut-être pas une humaine en fait. Et je pense que c'est pour ça le qu'est-ce que t'es en fait plus que la question. Qui est-ce qu'il dirait la même chose à un mec? Et je ne suis pas sûre. Moi je pense que oui. And you fight demons. I mean you wailed on those guys. Au niveau de la réalisation, il y a des choses qui sont super intéressantes parce que les cadres sont choisis exactement en fonction de ce qui est raconté dans l'épisode. Il y a un plan large dans lequel Riley se lève, donc on voit qu'il se met en action, il veut débloquer la situation d'impasse. Après, on a des cadres très très serrés quand on voit que la situation est tendue. Il y a des cadres un peu plus élargis avec des amorces de chacun des deux personnages quand ils essayent d'en apprendre plus l'un de l'autre, quand ils s'ouvrent un petit peu, et les cadres se resserrent quand là ils se disent ben là j'en ai trop dit, et parce qu'on voit qu'en fait au fur et à mesure de la conversation ils hésitent tous les deux à en dire plus sur leur identité secrète. Donc voilà, le protocole pour Riley, c'est pareil, on comprend au fur et à mesure, c'est que c'est très militarisé, administratif, donc il peut vraiment pas parler comme un agent secret, quoi. Le choix des cadres et le montage soutient toute cette lecture, toute cette ce sous-texte, et ça c'est vachement bien fait. On voit déjà qu'ils sont pas sur le même plan d'analyse, parce que Riley il dit à Buffy mais t'as pas de marque, moi je suis couvert de bleu, et Buffy a dit tu regardes pas assez bien, parce que Buffy elle lui parle pas de blessures physiques, elle lui parle de blessures émotionnelles. Elle a des bleus à l'âme. C'est ça. Et Riley il est dans le corps, dans le terre à terre, alors que Buffy elle est déjà dans quelque chose d'autre. Attends, mais faut comprendre le petit Riley aussi, il débarque là. Ah ouais, mais nous ça fait 4 saisons qu'on connaît Buffy, le Scooby Gang, la bouche de l'enfer. Ça serait surprise. Lui, alors là il y a un tremblement de terre. Et le rat, apparemment, c'est un rat mâle. Ah bon? Et sur Internet, les gens ont noté ça. Ils ont dit ça peut pas être Amy parce que le rat est masculin. Peut-être qu'elle s'est transformée en. Peut-être qu'elle s'est transformée en rat mâle. Il y a des gens très genrés sur Internet qui étaient choqués par ce détail. Il se met dans le placard pour un tremblement de terre. Pour protéger la tête. Excuse-moi, toi, t'es pas prêt pour le tremblement de terre. C'est des endroits stratégiques. Des placards. Non, là où il y a un encadrement de porte, c'est plus solide. Et là, c'est le passé de Buffy qui la rattrape, le tremblement de terre. Et voilà, le séisme vient mettre une fin à la conversation et apporter la touche de fantastique qui vient toujours sublimer Buffy, parce que ça rappelle la bouche de l'enfer pour Buffy. Clairement, ce séisme, c'est pas un truc rigolo comme pour Riley, c'est annonciateur de la fin du monde. Oui, en fait, c'est la relation qui se crée avec Riley, c'est un réveil de trauma, en fait, pour Buffy. Ah ben, il y a plein de traumas effectivement qui vont être révélés dans cet épisode, enfin qui vont revenir emmerder les personnages. En même temps, il y a Marc Ducasse dans le générique, excusez-moi. C'est la première première apparition. C'est le meilleur générique de la saison 4. Excusez-moi. Calme-toi, allez. Épisode 11, enfin, quoi. Ce que je trouvais marrant, c'est que dans l'épisode d'avant, ils disent « Ah, c'est bête, je suis obligé de mentir à Riley. Ah, je suis bête, je suis obligé de mentir à Buffy et tout. » Donc, ça, on voit qu'ils sont contraints aussi dans cette relation-là. Et là, maintenant qu'ils savent la vérité, ça va pas non plus, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas si simple. Ouais. Et comme on l'a vu dans le preview, ils se méfient l'un de l'autre maintenant, alors qu'avant ils se faisaient confiance, c'est ça qui change aussi. Dans le preview aussi, donc un autre personnage va se sentir condamné dans cet épisode, se sentir bloqué, pris au piège, c'est Spike. Spike qui doit faire le plombier là. Spike qui était il y a peu encore un chef de gang respecté et craint, il se retrouve aujourd'hui plombier de Xander. Et le plan, vous allez voir, il va y avoir un plan dans quelques secondes dans lequel il essaye même de frapper Xander avec une clé à molette. C'est tellement drôle. Il en est empêché par sa puce qui est dans la tête. Et ce plan est génial parce qu'en fait, il est flou et derrière Xander. Xander le voit pas, quoi. C'est ça qui est génial. Il est dans l'ombre de Xander. Il est tellement inoffensif que juste. Le mec ne capte rien. Xander qui est déjà le personnage le plus insignifiant au point de vue de The Spike. Donc c'est vraiment un déclassement social extraordinaire pour le pauvre Spike. Et là, Buffy et Willow dans leur chambre d'étudiante. Mm-hmm. Et là, il y a un truc que je trouve bizarre. Je vous pose la question. Pourquoi Buffy ne parle pas à sa BFF de la découverte qu'elle vient faire, son petit ami fait partie de l'initiative. Parce qu'elle n'est pas vraiment sûre. Elle lui en parle pas. Il n'y a pas que ça. C'est quand même. Il y a des traumatismes qui sont en train de remonter chez Buffy. Je pense que c'est pas évident. Je pense qu'elle a honte. Je pense qu'elle comprend pas aussi. Tant qu'elle sait pas, idée, elle, de ce que ça veut dire clairement, peut-être qu'elle préfère en découdre avec Riley avant, quoi. Puis elle a peur que ça se reproduise. Peut-être qu'elle a honte d'être tombée amoureuse de quelqu'un qui n'est pas normal, entre guillemets. Ouais. Encore un Angel. Ah oui, c'est ça. Elle se dit encore un Angel. C'est ça, je pense. Et puis en plus, Buffy, c'est pas un personnage qui s'épanche. Elle se dit, je vais régler les choses toute seule, tout le temps, en fait. Encore un relou, quoi. Ouais mais ou alors, c'est juste un mariage. Les scénaristes, ils ont écrit n'importe quoi. Mais toutes les deux, dans cette saison-là, elles mettent quand même du temps, je trouve, à se parler. Il y a un espèce de truc qui s'est distendu. Mais alors qu'elles sont censées être. Enfin, c'est acté qu'elles sont super copines, super. Mais elles ont beaucoup changé. La fac les a. Et ouais, même tous les personnages, c'est pas que Buffy. Ils ont tous chacun un petit parcours de leur côté. Death concern to be ambiguous. But unless evidence suggests. Bah là oui, un autre personnage Giles, qui est vraiment à part aussi en saison 4. Ah bah lui il est tellement éloigné qu'il a dû post-synchroniser cette scène. Je sais pas si vous avez c'est un peu bizarre ça. Et bizarre. On dirait même qu'il joue pas et qu'il lit son texte. Il est très très mauvais en post-synchro. Si vous regardez cette scène en VO Moi je trouve excellent. Il est toujours incroyable en fait. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Tu réécouteras et tu verras. Une erreur technique, genre l'ingé son a pas branché un câble. C'est pas synchronisé. Ça. Là, il y a Buffy qui commence à retrouver un peu sa position de lycéenne, c'est que Giles la trouve un peu futile dans ce qu'elle explique. Il la prend pas au sérieux, alors qu'elle essaie de lui dire, mais il y a quand même quelque chose d'horrible pour moi qui s'est passé la dernière fois que c'est arrivé. Il veut pas l'entendre en fait. Mais là, c'est un truc génial, c'est que dans cette scène et dans la scène suivante, il y a parce que va y avoir un parallèle pendant tout l'épisode entre Buffy et Riley. Donc Buffy explique à son collègue, parce que là ils sont en mode recherche fantastique. Elle explique ce qui va se passer et lui la prend pas au sérieux, alors qu'elle a raison. Et c'est bien une fin du monde qui va se produire. Et là, Riley fait pareil avec Forrest. Il explique la Slayer, c'est quoi et tout. Et Forrest ne prend pas du tout au sérieux. C'est des conneries, la Slayer, c'est un boogeyman. Alors qu'encore une fois, il a raison. Et dans la scène juste avant, Giles lui dit un truc hyper important à Buffy. Il lui dit, arrête de te focaliser sur ce qui pourrait être pour te concentrer sur ce qui est maintenant. Et ça va être tout l'épisode, tout son truc avec la relation avec Riley. C'est-à-dire, arrête de projeter des choses et de te dire « et si, il se passe ça » pour vivre le moment présent, en fait. On voit un peu aux premières saisons où Giles, à la connaissance, du coup, toujours rejette un peu Buffy. « Non, mais toi, tu sais pas, moi, je sais. » Oui, mais il n'y a pas que ça. Il essaye de la ramener aussi à arrête d'envisager le pire tout le temps et concentre-toi sur ce qui se passe maintenant. Le pire arrive tout le temps. Et en même temps, Buffy, elle, essaye de détourner aussi l'attention des commandos parce que Giles est en train de faire des recherches sur l'initiative et Buffy essaye de noyer le poisson. Effectivement, comme pas que Riley soit découvert. Voilà. Et la bagarre. Il y a la bagarre. Bagarre donc chez l'initiative parce que les démons pètent les plombs. Les démons ont bien senti qu'il y a une fin du monde qui est en train d'arriver. Le pire dog de la Terre. Et ce qui est marrant, c'est que le seul qui arrive à se débarrasser du démon sans la science, parce que quand même un docteur avec une seringue, c'est Riley, parce que il commence à mettre un pied dans le monde de Buffy aussi. La science, il n'y a pas que ça qui est vrai. Il y a les muscles. Bah ouais. C'est vrai. Non mais c'est tout le temps ça dans Buffy aussi, c'est que les ceux qui sont pas pris au sérieux, les nerds, les exclus, les ceux qui sont à part ont tout le temps raison en fait. Et là c'est le cas pour Riley et Buffy qui sont moqués par leurs supérieurs entre guillemets ou par leurs collègues alors qu'ils ont totalement raison. Oui, parce qu'on voit dans cette scène que Riley il se questionne sur les intentions, sur pourquoi les monstres sont comme ça alors que les autres disent c'est juste des animaux quoi. Et là il y a une scène de fête étudiante avec on entend un morceau du groupe The Helicopters qui chante Hey. Il y a très peu de paroles dans ce morceau, mais elles sont quand même audibles et je pense qu'elles n'ont pas été choisies au hasard parce que la chanson parle d'un gars dont les pensées sont parasitées par les mensonges de quelqu'un d'autre. Mmh. Et voilà, dans la scène, ça va être un peu ça parce que Willow revoit Percy, donc le joueur de basket là. Elle avait aidé. Qui elle avait fait du tutorat la saison précédente, qui avait fini par être sympa avec elle. Et là, qui la traite un peu mal. Qui la remet comme avant, elle est rejetée une fois de plus. Ouais, il l'ignore. Il dit que c'est leur première année de fac en fait, donc ils revivent la même chose qu'au lycée. Quoi. Pardon, sur le principe, il est pas horrible avec elle, c'est plus c'est la meuf fille à côté, je sais pas, une espèce de rivalité. Il sera horrible dans la scène d'après où il va lui cracher sur son dos. Oui, oui, du coup il se défile, il l'assume pas du tout. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai bien aimé une nerd quoi. Il est nul mais pas oui bah, juste parce qu'il suit sa meuf. C'est quoi. Ça. Il est mou. Il est mou Percy. Il est mou. Il faut une chenille dans cette tête. Il faut une cheche synchro. On s'éclate. On était c'est en pour 2000. La transition sur la main. On là. Était en 2000. Vous faisiez pas des chenilles en 2000 non. La main du démon. Oh là là. Et c'est les dépravés qui laissent rentrer les démons dans cette maison. C'est le sexe. Mais c'est ce qui est au compte faire le monsieur là qu'on voit à l'écran. Encore une fois, le message est très clair. La norme, quand t'es étudiant, c'est de faire des orgies, c'est de boire beaucoup d'alcool. C'est ce que va faire ce petit jeune. Et gorgée, ça entraîne quoi direct. Ça entraîne la mort par décapitation des mains d'un horrible monstre. C'est tout le temps ça dans Buffy. Si t'es trop dans la norme, bah tu finis éviscéré par un démon. Et bah c'est bien fait. On a vu la menace, on a deviné la menace de l'épisode, parce que c'était la fin de l'acte 1, bien sûr. Là, dans cette scène, c'est le morceau qu'on écoutait en générique. C'est vrai que Percy, il est con, là. Il est très, très con. Et là, ouais, il est méga con. Il parle très, très fort. Alors qu'elle a deux pas. Et que la musique est très forte. Qui ça aussi. Donc parce qu'il traite Willow de Captain of the Nerd Squad, donc la plus grande nerd, la chef des nerds quoi. Et Willow ça l'a fait beaucoup de mal quand même parce que la pauvre petite Willow justement, rappelez-vous saison 1, exclue, sans amis, effectivement là c'était la nerd mal dans sa peau. Et voilà, et ce qu'il faut préciser, c'est que nerd dans la bouche de Percy, c'est une insulte. Ouais, nous, aujourd'hui, on trouve ça cool d'être nerd. Là, en 2000, dans la bouche d'un basketteur, c'est clairement une insulte. Et ça l'embête, la pauvre Willow, parce qu'elle trouve qu'après 3 ans sur l'évolution, la bouche de l'enfer, en fait. Elle trouve qu'elle a été épanouie. Elle dira plus tard, ouais, quand même, je suis plus la même personne. Mm. Et donc, ça la ramène, comme tu disais, Mallory, à son trauma du lycée. Il faut rappeler aussi que c'est déjà passé l'épisode avec Veruca. Ah oui, c'est au début de la saison. Oui, c'est au début de la saison 4. Donc, elle est quand même remise d'une rupture aussi. Ouais. Il y a ça. Non, puis c'est une insulte, mais c'est aussi une façon de draguer, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il drague sa nana, là, pour. Il dénigre quelqu'un. Voilà, pour avoir l'air super cool, quoi. Il parle d'une meuf intelligente. En gros, il dit, moi, je préfère les meufs sexy, quoi. Voilà. Il y a une scène très drôle là. Ah bah là c'est la meilleure scène de l'épisode. Le rentre et Spike est habillé en disant d'ailleurs c'est magnifique. On s'attend. Oh j'adore. Oui, parce que la scène est très dramatique avec de la musique qui fait génial. Peur et tout. Et c'est juste Spike donc, qui a eu un problème de lessive et qui a dû mettre les affaires d'Oxander sur le dos. Ce qui est génial, c'est que tous les personnages là se retrouvent renvoyés à ce qu'ils étaient au lycée. Et en fait, exactement. Même Spike régresse à un niveau d'étudiant parce qu'il vit en colocation dans un sous-sol avec un mec qu'il déteste. Il est obligé de porter des fringues parce que, genre, il fait une machine, tu sais, donc il est obligé de porter des fringues horribles. Et lui aussi, il régresse au statut de. Ça, même lycéen, le quoi. Costume, le ridiculisme, enfin, ils appuient là les scénaristes sur Spike, vraiment plus bas que terre. Et Xander, sans le savoir, pointe un trauma de Spike qu'on verra beaucoup plus tard dans les prochaines saisons, parce que il lui dit en gros, you're not big bag anymore, you're nothing but a waste of space, tu n'es rien d'autre qu'une perte de place. You're Benny Smith. ça rappelle le You're Beneath Me qu'avait lancé comment elle s'appelle, la nana que Spike envisageait alors qu'il était encore humain. Enfin voilà, c'est un trauma d'il y a une centaine d'années, il y a 200 ans, qui revient encore, quoi, sans le savoir. Et dur pour Spike, dans cette scène, Xander est plus mature que lui, quand même. Dans cette scène, c'est Xander qui est mature. Non, sur la fin, c'est lui. Il est aussi très, très humiliant, Xander. Il est pas cool. Non, mais je veux dire, sur la fin, il lui dit, moi, je veux pas me disputer comme ça avec toi, je m'en vais. Tu sais, c'est lui qui prend la décision de partir. Oui. Et c'est Spike qui essaye de le provoquer en mode... La suite est très drôle. C'est Xander qui a la réaction la plus adulte, quoi. C'est Buffy et Willow, donc Willow est le plus traumatisé par le fait que Percy l'ait traité de nerd plutôt que cadavre, quoi. Buffy aussi, ah bon ? Il t'a traité de nerd ? C'est vraiment drôle. Et voilà, parce que encore c'est une scène miroir. Là, donc Willow annonce à Buffy qu'il y a eu un mort sur le campus pendant la soirée. Dans la scène suivante, on a la même scène avec ses potes. Riley, c'est Graham, le pote de Riley, qui va annoncer à Riley qu'il y a eu un mort et donc qu'il faut se mettre en mission, tout ça. Et le traitement est pas pareil. Là, on va voir chez les militaires, ça va être méga sérieux et tout, alors que Buffy, Willow. Buffy est habitué à ce genre de nouvelles, aux morts sur le campus, et le prend avec plus de détachement, et effectivement se focalise plus sur la détresse de sa là, on l'entend pas, mais il y a la musique qui d'un coup va aussi changer en mode super-héros, on part en mission. Ouais. Juste à ce moment-là, quand il se lève du lit, là. Et justement, c'est des militaires, ils suivent les ordres et ils sont. Ça, ils se posent pas de questions. Ils se posent pas de questions. Alors, on voit une différence aussi de traitement entre Riley et Buffy, parce que la première chose que Riley demande, c'est est-ce que c'était un des nôtres qui s'est fait tuer ? Et il pense pas aux civils en premier. Là, il pense d'abord à son équipe. En fait, il bosse en équipe, mais il pense pas aux civils, à l'inverse de Buffy, qui elle va beaucoup penser aux civils, mais va bosser beaucoup seule. Ouais, elle pense aussi direct à Will, aux siens, à elle. Elle pense aux siens, mais elle pense toujours aux autres aussi. Elle pense beaucoup, beaucoup aux personnes qu'elle doit protéger. Pas militaire, quoi. Ouais, et là, dans la scène de préparation à la bataille, quand même, chez Jace du Scooby Gang, au début, on parle de quoi ? On parle encore de Percy. C'est drôle. Voilà, la fin du monde va attendre un petit peu qu'on ait réglé cette histoire avec Percy qui a traité Willow de nerd, quand même. Donc là, c'est le parallèle continu. Donc il y a la préparation chez Jace pour le Scooby Gang, et il y aura la préparation juste après. Avec ce magnifique t-shirt. Voilà, on n'a pas le temps de noter le t-shirt incroyable de Willow. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast, puisqu'on peut acheter ce t-shirt. Et il est génial. Les lapins crevards de chien. Là, ça y est, il va le prendre le truc au sérieux. Ça y est. Ah, voilà, fin du monde. Telling you, I've seen this somewhere before. I just can't remember where. I mean, it's the end of the world. Again? Again, hein, répètent-ils tous, voilà. C'est ça qui est marrant, c'était un peu l'impression qu'ils parlent aussi du lycée, genre, mais on a déjà fait ça, quoi, on va pas retourner au lycée, c'est bon. Oui, voilà, donc il y a un symbole que Xander associe à CBS qui ressemble un peu, mais enfin, moi je vois c'est ça. CBS. Ouais, c'est ça qui faisait les francs-maçons. Ça ressemble plus au symbole de la franc-maçonnerie, c'est un peu bizarre d'ailleurs, parce que on était peut-être moins dans une époque complotiste, mais mettre ce symbole pour associer à des démons, c'est pas. C'est juste un symbole qui sont considérés comme occultes, et puis ça fait une transition avec là. Et là, on voit que. Ils ont fait ça bourrer sur une feuille de papier au mariage. Donc, Ils vont demander qu'est-ce qu'on va faire, et Buffy, elle va répondre je vais les arrêter. I stop it, exactement. Elle inclut pas les autres. Ouais, c'est bizarre qu'ils viennent pas d'ailleurs aussi, non ? Ils respectent, c'est Buffy le commandant, quoi. Ouais. Elle a dit j'y vais seule. J'y vais seule, elle a dit je vais les arrêter, mais ça veut pas dire j'y vais seule. Si, parce qu'il. D'habitude, elle y va jamais seule. Non, mais ils viennent littéralement lui dire qu'est-ce qu'on fait, et elle leur répond je vais les arrêter. Donc implicitement, vous venez et pas avec moi. Elle répond même au présent, je l'arrête, la fin du monde. Enfin voilà, il y a un truc de c'est définitif, c'est sûr, c'est clair, il y a la fin du monde, je m'en charge, je vais régler le problème. Il y a un côté habitude, justement, et on a l'habitude de faire ça de toute manière. Donc vous inquiétez pas, c'est un mardi comme les autres, quoi. C'est ça, c'est exactement ça, et on va le voir plus tard, toute cette confiance qu'a Buffy elle est sûre d'arrêter la fin du monde, elle n'aura plus du tout cette confiance là quand il va falloir parler avec Riley de leur relation qui est elle vouée à l'échec aussi selon elle, et pour laquelle elle pense ne pas avoir de pouvoir, ne pas pouvoir changer les choses. Alors que pour la fin du monde, elle peut changer les choses. Elle est persuadée qu'elle va arrêter la fin du monde toute seule aussi, alors qu'elle ne l'arrêtera pas toute seule. Et en même temps, je trouve qu'à chaque fois qu'elle dit ce genre de phrase, « I stop it », quand elle reprend les choses en main, c'est toujours... On sent le fardeau et la responsabilité derrière. C'est, qu'est-ce qu'on fait ? Comme d'hab, c'est moi qui vais devoir le faire. C'est pas de l'égocentrisme, ça c'est sûr. Non, parce qu'une fois encore, on est saison 4. Elle a... accepter son destin d'élu. On n'est plus en saison 1 où elle le repoussait. Là, elle l'accepte et elle va même aller jusqu'à se sacrifier. On va voir en fin d'épisode, à se jeter dans le vide carrément. Enfin voilà, elle est prête. Mais de toute façon, elle est tout le temps dans le sacrifice, Buffy. À partir de la fin de la saison 1. Voilà. Ouais. Bah, pas au début de la saison 1 où elle refuse tout ça, mais ouais, après elle est tout le temps. Elle accepte complètement sa mission. Elle se met. Pas tout à fait d'accord. Enfin, elle l'accepte, mais c'est toujours quelque chose de lourd pour elle. Ça veut pas dire qu'un sacrifice n'est pas lourd. Mais elle accepte le fait que c'est son job. Elle tue Angel, qui est l'amour de sa vie. Sûr, ouais. Elle se suicide pour sauver Dawn. Enfin, elle le dit déjà même dans Prophecy Girl, fin de la saison. Elle va vous rencontrer le maître pour mourir. Enfin, elle accepte. Oui. Elle est prête à. C'est pour ça que c'est quand même un épisode qui ressasse. On en parlera dans la conclusion, mais ça ressasse quand même pas mal de choses qu'on a déjà vues. C'est un peu. Et là, donc, priorité au direct, discussion. Donc, Riley s'est pointé au cimetière pendant la bagarre. Discussion entre les deux amoureux et encore une fois un malaise. On tourne en rond sur l'histoire qui est condamnée, hein, selon Buffy. I can't be with you. Se livre un peu plus là, quand même. Elle lui explique vraiment qu'elle a une destinée. Mais elle dit aussi. La mère, puis il la force un peu à parler, quoi. Ouais, il force un peu, mais et du coup, elle dit again. Buffy pense que ça va se repasser comme d'habitude. Et Riley a une phrase marrante. Il dit again, you're dating me before. Pourquoi encore? On n'est pas déjà sortis ensemble? Lui ne comprend pas pourquoi. Elle, selon elle, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Oui, il parce veut des que réponses. Ouais. Pour lui, c'est tout nouveau. Pour lui, c'est la première fois. Et en même temps, il a pas tort. Il a complètement raison. Moi, je suis d'accord. Et oui. Puis surtout, ce qui fait de bien, c'est que il essaye de lui dire comme Giles. En fait, qu'il faut qu'elle arrête de vivre dans le passé et que tant qu'elle n'avance pas, elle va rester bloquée dans ses traumatismes pour toujours, quoi. Ouais. Là, j'adore son discours parce qu'il dit que ouais, chaque histoire est différente. Alors effectivement, nous, on sait que l'histoire avec Riley va durer qu'un an et puis va mal se terminer. Mais ça sera une histoire quand même. Et Buffy va grandir grâce à cette histoire. Ils vont grandir tous les deux. Et donc, elle est super cette histoire. Mm-hmm. Et il faut pas la refuser sous prétexte qu'on a des traumas. En fait, c'est ça. Les histoires sont différentes en plus. Oui, mais c'est une double peur de se battre avec lui. Et bah, c'est comme Angel, la peur de le perdre, la peur de tout. Ouais. Oui, parce qu'elle se dit qu'elle aussi, elle l'aime, elle va le perdre. Bah, quoi. Oui. Et elle va même lâcher la réplique It's just doomed, donc d'où t'es tiré le titre. Voilà, elle dit c'est juste mort, c'est condamné, on peut pas en sortir. Et elle associe, voilà, et c'est ça qui est intéressant, elle associe l'amour au destin du monde sans voir qu'elle a autant de pouvoir pour changer les choses quand il s'agit du destin du monde que quand il s'agit de son histoire amoureuse. Romantique. Et ça, elle arrive pas à comprendre qu'elle a autant de pouvoir. Finalement, à la fin de la série, qu'elle a le pouvoir de donner le sien à tous les potentiels, justement. Et là, oui, voilà, changer les choses, changer les règles, c'est quelque chose qu'elle fera magnifiquement. Dans le dernier épisode. Mais tout au long de la série, d'ailleurs, elle change toujours les règles, hein, quand elle décide de quitter le conseil, quand elle décide de... Parce que c'est ça qu'il faut faire, en fait. Oui, c'est ça, c'est quand on est bloqué, il faut juste changer les règles et pas essayer de le contourner. Donc là, ça va beaucoup trop vite, j'ai pas le temps de tout dire. On repère le démon. On est chez Giles, on fait des petites recherches dans des vieux bouquins poussiéreux, pendant qu'à l'initiative, on fait aussi... Pas du matériel. Voilà, c'est ça. On fait aussi les mêmes recherches, mais pas du tout de la même manière. On les fait... Avec la science, en fait, tout simplement. Avec la science, avec des chiffres, avec des réunions où on prend des notes. On est très sérieux. Une grande table. Entre mecs, surtout entre mecs. Que des mecs musclés, ouais. Mais le parallèle continue sur l'épisode, en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux groupes vont arriver à la même conclusion, quand même. Ouais. C'est-à-dire que l'initiative ne fait pas les choses mal, en fait. Non. En coulisses, ils font les choses mal, et ça, on le découvre au fur et à mesure. Mais là, d'apparence, ils sont aussi efficaces, finalement, que Scooby. La différence, c'est qu'ils cherchent pas la raison. Ils veulent juste arrêter parce qu'ils ont une mission, c'est des militaires, c'est arrêter le truc. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les deux scènes nous montrent qu'en fait, les deux méthodes pourraient être super complémentaires, comme une association Buffy-Riley pourrait être super complémentaire. En fait, je vois ça un peu comme ça. Est-ce que c'est ce qu'on essaye de nous dire, encore une fois, mariage, bourré, est-ce que c'est... On sait pas si c'est vraiment ce qu'ils voulaient nous dire. Thématiquement, l'épisode, il se tient, c'est juste qu'il y a des fois, on se dit, on lève les yeux au ciel, qu'il y a effectivement des situations qui sont bizarres dans Buffy. Quoi. Tu lèves les yeux au ciel, mais... Oui, mais je sais pas, il y a rien qui me choque. Ok, moi, c'est notre épisode préféré. Moi, je trouve ça bizarre, tu vois, qu'elle en parle à personne, quoi. ni à Giles, ni à Riley, ouais. Roxane, demande, en fait. C'est bizarre. Il lui demande de pas le faire et du coup, je pense qu'elle comprend aussi l'identité. Il y a un moment où elle prend de ses erreurs un peu forcée. Je sais pas parce que elle, d'habitude dans Buffy, on a elle aussi, elle lui, enfin, elle veut qu'il ne dévoile pas son identité, donc peut-être qu'elle a aussi un respect de moi, je suis la tueuse, faut pas le dire à tout le monde. Riley, il fait peut-être pas le dire à tout le monde, tu vois. Elle veut protéger son petit ami, tout simplement. Ouais. Elle comprend, je pense, sa situation, en tout cas. Petit ami, ouais. Et puis, en fait, le dire aux autres, c'est rendre le truc réel, en plus. Tu sais, tu le dis à Giles, mais tu elle à fait Willow. Souvent ça, quand même. Elle fait souvent, je prends du temps. Oui, non, ça, priorité au direct. Scène très drôle, encore une fois. Non, mais là, c'est typique de Buffy, de l'écriture Buffy. On a une scène tragique. Il y a quand même un personnage, un des personnages principaux, qui essaye de se suicider, qui fait une tentative de suicide. Et c'est drôle. Ça traitait à la rigolade. Très drôle. Et c'est une scène ultra drôle. Il se jette sur un pieu. Mais voilà, il y a tout le temps ça dans Buffy, le décalage de traitement entre quelque chose de extrêmement fort. Pour lui, il est au bout de sa vie. Enfin, il va en finir, quoi. Mais on s'est traité à la rigolade. Et c'est là qu'on voit une différence entre les militaires, justement, et le Scooby Gang, parce qu'on voit que le Scooby Gang, même la vie de Spike, pour eux, elle a une valeur, en fait. Pas pour Xander. Pas pour Xander, mais il va quand même essayer de le consoler à la fin. Mais j'aime bien le dernier plan, où en fait, il met la main sur son épaule. Il dit, il y aura une fin du monde. Ça va te plaire, les fins du monde. Et Spike, qui est dans un état lamentable, parce qu'il se rend compte que même se tuer, il n'y arrive pas. Il se sent, mais vraiment, un moins que rien, incapable de tout. Willow, elle est tellement mimi. Avec les mains, là, je vais t'attraper comme un vieux vampire des années 60. C'est ça. Il le dit, I'm beyond pathétique, je suis en dessous du pathétique, je suis moins que rien. Il est vraiment, il a une image de lui détestable. Et là, il y a un petit peu il continue la rivalité avec Xander, mais heureusement qu'il y a Willow qui fait le tour. Xander, Willow, il finit par céder. Willow est dans le care, on dit, on va t'aider, on va te protéger, tout ça, alors que Xander est plus dans Mais il le tuerait pas pour autant, Xander, je pense. C'est juste qu'il veut, lui balancer des pics, tu vois. Non, puis je trouve ça chouette aussi d'avoir traité les mots de cœur de Spike, quoi. Enfin, les mots de cœur, non, comment ça se dit, les peines de cœur, voilà. Ouais. Oui, le vampire qui fait peur, qui en fait n'arrive pas à se remettre de sa rupture. C'est ça. Je pense à son ex. Et donc là, ça va être l'inverse de la scène de tout à l'heure. Et donc, Riley et Buffy se recroisent. Mais là, Riley, il va être un peu plus relou que tout à l'heure. Ah, là, il est relou. Il est forceur, là. Ouais, là, il est forceur. Mais justement, est-ce que c'est pas pour montrer que tout à l'heure, il avait raison? Et là, c'est peut-être plus Buffy qui va avoir raison. C'est que là, tu vas trop loin. Une sorte de thèse, antithèse un peu. Alors, moi, vous allez dire ce qu'on va dire. Moi, je trouve que Riley a toujours raison, là. Oui. Mais la meuf, ce qu'elle a dit trois fois, non, je veux pas. Donc, là, laisse-la tranquille. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Ouais, c'est passé quelques jours avant de revenir, là. Il est trop relou. C'est pour ça que c'est pareil. Il se croit dans la rue par hasard, c'est un peu il force un peu là, mais parce qu'ils cherchent le même démon, donc ils sont sur la même piste. Oui, et c'était devant dans la rue principale de Sunnydale. Oui. En fait, il la stalk. Il y a qu'une seule rue à Sunnydale aussi. Il y en a qu'une seule, pas le choix. Ouais, vous ici, ça. Mais ouais, effectivement, là pour le coup, ils en rajoutent sur Riley. Il devient, alors qu'avant, depuis le début de l'épisode, il est plutôt sympathique. On l'aimait bien, Et puis il sera jamais Il devient désagréable. Il a jamais été comme ça, il sera jamais relourd comme ça. Donc il y a un truc un peu hors caractère aussi. Ouais. Bah parce qu'il l'aime beaucoup, cette petite Buffy, quand même. C'est ton épisode préféré, malheureusement. Je l'adore. il veut pas qu'elle lui échappe, mais il est un peu trop. Ouais, je pense que t'as ce truc de. Faut faire prendre conscience à Buffy qu'il faut qu'elle avance, mais bon. C'est une grande fille aussi. Elle avancera quand elle sera prête, quoi, aussi. Oui, c'est ça. Et surtout, elle avancera par des actes. Voilà, ça, c'est important. C'est pas par du blabla, c'est pas le blabla qui va convaincre Buffy qu'elle peut être avec Riley. C'est ce qui va se passer à la fin, c'est dans leur combat contre les francs-maçons et le sacrifice, tout ça. Là, elle va voir que Riley peut l'aider, peut lui-même la soutenir dans son combat et donc métaphoriquement dans sa vie de jeune femme. Et c'est par les actes qu'elle va comprendre que ce petit Riley, peut-être qu'il y a un futur possible avec lui. Mais le blabla, ça sert à rien. Puis je pense qu'il y a un côté aussi attendrissant, parce que quand il lui dit « Ah, mais tout le monde sait qui je suis, je suis censée être entraînée pour garder l'anonymat et machin », je pense qu'elle elle s'identifie aussi à ses débuts, et elle dit « Ah, le petit... enfin voilà, c'est le petit la dernière scène. Ouais, le petit nouveau, t'as vu, c'est ça. Je vais le prendre sous mon aile, quoi. Barely know me. I know that it's not just the job thing. I'm sure that there's some good-looking guy who done you. Mais j'aime bien parce que dans cette série, les garçons ont toujours un petit côté pathétique à un moment donné. Oui. Ils sont censés être on est super badass, et ils ont toujours à un moment donné un truc un peu nul. Sur les meufs qui ont raison. L'enjeu de la série depuis la toute première scène de la série, finalement. Où la menace, c'était la vampire. Qu'on ne voyait pas venir, qu'on pensait pour venir. Une innocente collégienne. Ah, là, elle lui dit, tu me laisses... Bah, parce que là, elle lui a demandé aussi les choses frontalement, genre, laisse-moi tranquille. Là, il accepte, mais bon... Ça a été long quand même. Il a fallu qu'elle soit. Il se redresse. En fait, il le prend comme un ordre. Il se redresse. Ouais. Ok, bon. Bah, ok, c'est okay, parce qu'il répond aux ordres en fait. Riley, c'est ça le truc aussi. Je sais pas si c'est un compliment pour le pauvre. Parce qu'il est drôle, oh, Spike. You shouldn't talk like that. Okay, so okay. Spike, il redevient un peu Spike, il va foutre la merde là avec un sourire. Ce qui est marrant, c'est quand même que Xander se fout de sa gueule à cause de sa tenue alors qu'il porte les vêtements de Xander. C'est quand même ça qui est énorme. Quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Parce qu'il sait où est-ce que ça représente pour Spike. Et bah du oui, coup, c'est ça. Donc, oui, comment dire, Xander et Willow essayent de convaincre Spike qu'il y a moyen d'être heureux malgré sa perte de puissance pouvoir. Démoniaque. Voilà, tout n'est pas perdu. Malgré tout son n'est impuissance. Pas... Voilà, maintenant qu'il est impuissant, il y a quand même des plaisirs que tu peux trouver dans la vie. Enfin, c'est tout un discours super intéressant. Et on va voir un petit sourire de Spike. Et c'est une fois qu'il s'est moqué, qu'il a dit une méchanceté. Je leur dis qu'il ne servait à rien. Et là, on voit ce qui peut être moteur chez Spike, c'est de dominer les autres, en fait. En fait, il se rend compte qu'il peut leur faire du mal par la parole. Il n'a pas besoin de les mordre ou de les taper. Il peut avoir un impact, comme tu dis, par la parole. Et donc, il peut retrouver un peu de son charisme. C'est jusqu'à la fin. À partir de là, dans l'épisode, il va remonter. Parce qu'après, il va se rendre compte qu'il peut taper les démons. Il va essayer de sortir de cette dépression dans laquelle il est. Voilà. Ouais, le plan est génial. Ouais. Trop content. Avec les deux, tout petit là, habillé n'importe comment. C'est très drôle. Mais c'est ça, Spike, qui est son moteur avec lui, ça fait de retrouver un peu de pouvoir. Un peu de mordant. Et là, on passe à Giles qui, comme d'habitude, donc on est bloqué dans nos habitudes, on est condamné à refaire les mêmes choses. Giles va encore se faire casser la gueule et assommer. Parce que ça, c'est un running gag. C'est un running gag des premières saisons de Buffy. Giles finit toujours dans les pommes et ne voit jamais l'acte 4 de l'épisode. C'est vrai. Il sera pas trop dans les pommes, mais il se fait éclater quand même. Mais on revient au trauma des origines. Il a toujours le truc chez lui en plus. Oui, il cherche un peu. C'est-à-dire la justification brûle de la scène après. Brûle ta balle, quoi, une fois pour toutes. Il se fait marave là, ils sont trois contre lui en plus. Bah ouais, salto. Non, on l'a pas dit, mais il y avait encore une prise de catch. C'est bizarre les chorégraphies de cet épisode, c'est les démons font du catch. C'était prise de catch. Non, c'est vrai, après Buffy a se tapé une pierre tombale. Technique de combat. Hein. Ouais, Giles s'est fait éclater. Ouais. Tu perds. Et là, pareil, il justifie. Je pensais que c'était le faux taillissement, mais en fait, c'était le vrai. Ah non, il est encore plus nul qu'on se pensait, quoi. Donc ça veut dire qu'il l'a payé. Camelot quoi le truc. Ouais, alors c'était un vrai truc. Ouais, ouais, t'as raison, ça décrédibilise en fait, aussi Spike, Giles. Bah oui, non mais je te dis, ils sont tous un peu pathétiques à un moment donné. Bah et puis fou, Giles en plus dans cette saison qu'il est sans emploi, il est plus observateur et voilà, c'est compliqué pour lui. Pour le coup, Giles c'est pareil, il est mis plus bactère quoi. Bah dans cet épisode, il a tout raté. Hein. Mais en même temps, s'il arrêtait d'acheter des merdes, c'est fait plus. C'est là que donc là, il se rend compte que la bouche de l'enfer va s'ouvrir. Voilà. C'est dans l'ancien lycée. Donc dire voilà, we're going back to high school. Et ouais. On la le sait. C'est génial quand même. Bah oui, c'est génial. Et puis c'est à la fin de l'acte 3. L'acte 4 va se passer dans le lycée, dans les ruines du lycée. On le sait, dans les trois premières saisons, le lycée symbolisait l'enfer, les traumatismes adolescents qui étaient concentrés dans cet enfer plein de... École, quoi. Plein de... Voilà, de jeunes. Et donc là, ils sont obligés de retourner au lycée, de réaffronter leur trauma. C'est ce qu'on dit depuis le début de cet épisode. Et l'image est super. En plus, le lycée en ruine, parce qu'ils pensaient l'avoir détruit, rappelez-vous, fin de saison 3. Il y a une petite référence, là, il marche sur un morceau du maire. Enfin, je ne sais plus ce que dit Xander. Il est bien aussi. Oui. C'est un morceau de viande brûlée du croustillant. Là. Croustillant. Ouais. Et puis Spike toujours en tenue de Xander. Mais il est glorieux là, il est parfait. Let's rock and roll. Même Spike se moque de leur groupe. Là, en fait, là, il est. Le fait qu'il soit habillé comme Xander, il fait partie du Scooby Gang. Il commence à s'intégrer, mais en se moquant d'eux, tu vois. Ouais, c'est... Et là, il devient une vraie Cordelia, comme. Exactement. Voilà. Ouais, comme c'était voulu, il voulait faire de Spike le nouveau Cordelia, et c'est ça. Mais une Cordelia qui va savoir se battre, parce que c'est là. Bah, c'est avec toujours les répliques cassantes et tout. Il va se rendre compte que il peut taper les démons, c'est dans cet épisode-là, et que du coup, il peut s'avérer utile pour le camp du bien, entre guillemets. Ils sont dans la bibliothèque, et ils vont tomber. Ils entendent les démons chanter, voilà. Ouais, et Buffy va dire à Willow que la cérémonie des méchants n'est pas encore terminée et qu'elle ne le sera jamais. Encore une fois, elle assène cette vérité qui est pour elle sûre d'elle, sûre et certaine. Elle va mettre fin à cette cérémonie. Elle va empêcher cette fin du monde. C'est sûr. Il y a pas de, il y a pas de problème. C'est l'auto-persuasion. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, il y a un micro twist parce qu'ils cherchent des civils qui vont être sacrifiés. Et c'est eux. Et en fait, c'est des démons qui, un peu comme Spike d'ailleurs, finalement, se suicident tout simplement, se sacrifient pour. Et voilà, parce que c'est réveiller, ouvrir la bouche de l'enfer. Ces francs-maçons sont plus un petit peu dans une mouvance terrorisme suicidaire en fait, plutôt que des francs-maçons quoi. Ils veulent se suicider pour amener le chaos. Et là, ils ne comprennent pas tout de suite, ils récupèrent la fiole de sang. Et comme nous, on ne comprend pas trop ce qui se passe parce que cette séquence de bagarre n'est pas très bien réalisée. C'est un peu le bordel. Ouais, hein. Ils étaient bourrés quand ils l'ont écrit aussi, peut-être. Pour la tournée, et eux, ils sont désorganisés aussi. Ils se passent le sac d'os comme ça, machin, après ils le laissent traîner. Enfin, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. La mise en scène n'est pas claire, ça bouge dans tous les sens, il n'y a pas de position. On ne comprend rien ce qui se passe. Mais malgré tout, si vous voulez voir le making-of de cette scène, il y a les vidéos de Jeff Prout qu'on cite régulièrement, qui était le chorégraphe des bagarres, qui et a mis plein de vidéos making of. On mettra le lien faut en description. Faut pas se rater dans ce saut quand même, parce que moi, à deux doigts, je me pète les dents sur le bord en fait. Faut être un peu spéléologue. Faut être bien raide quand tu. Et Xander comprend. Et voilà, The Demons vs The Sacrifice. Voilà, c'est ça. Ça y est. Du coup, c'est un bon gag parce que Spike se réveille et voilà, il va balancer le démon dans le trou. Et il s'était préparé à avoir mal, tu sais. Il était. C'est pas grave, j'y vais quand même, ouais. Et voilà, et en fait, on se rend compte que Spike, il va taper les méchants, mais son but, c'est pas du tout de faire du bien, en fait. Alors, encore une fois, son but, il fait le bien par ricochet, mais son but, c'est de retrouver du pouvoir, retrouver une domination sur les autres. De casser des trucs, quoi. Ouais, parce qu'on se rend compte aussi que pour lui, être du côté du bien ou du mal, il s'en fout complètement. Il veut juste se battre, en fait. Exactement. Et d'ailleurs, il fait le mauvais choix. On lui a dit de pas balancer le mec. Non, c'est pas qu'il s'en fout, c'est qu'il a pas capté, je pense. Mais oui, il les a pas entendus. Il est poussé d'adrénaline. La Buffy prise par le coup. Ouais. Et Spike fait vraiment partie du Scooby Gang maintenant. Voilà, il se il se fait exfiltrer du climax de l'épisode. Voilà. Ouais, parce que faut laisser Buffy gérer. Il l'aide quand même, tu vois, Xander à se relever, à le faire sortir. Donc, voilà, parce que maintenant il fait partie du Slayerette. C'est un Slayerette. Du Scooby Gang. Et comme d'hab, y a que Buffy qui peut régler ça, quoi. Buffy, mais qui va être aidée. Voilà, personnage. Et ouais. Il est là, il est incroyable. On voit rien en combat là, c'est nul. Oui, aïe. Ok. Oh là là. Mais c'est génial parce que voilà, Buffy va comprendre à ce moment-là qu'elle a besoin de son petit Riley, qui peut être utile. Oui, elle a pas besoin de lui. C'est juste, il peut l'aider. Là, si elle a pas Riley. Là, il y a besoin d'une ficelle pour descendre. Là, elle serait morte et il y aurait eu la fin du monde sans Riley. Parce que là, Buffy, c'est une folle Buffy. Elle y va, elle plonge dans le trou, donc attachée avec le grappin de Riley. La grosse ficelle de Riley. J'adore ces plans-là, c'est tellement vintage. Ah ouais, ils sont nuls. Ça va loin, là. Ça signe. Moi, à chaque fois, je décroche à ce moment-là. Ah ouais, j'y crois pas. Fallait pas le montrer. Ouais, fallait pas le montrer. Oh, j'adore. Et là, il la remonte avec ses bras musclés. Ils sont pas trop forcés. Ses bras musclés. Sa grande ficelle. Oui, parce que la corde est super fine, quand même. Il remonte rien avec ça. Les mains, tu sais. Il est fou d'amour. En fait, je pense qu'elle remonte toute seule, mais elle lui fait croire que c'est lui qui l'aide. En fait, elle est accrochée au pied. Elle veut pas le vexer. C'est sympa. Oui, c'est bien Riley. Elle traîne le démon de l'autre nain. Mais elle est tellement géniale. Elle est forte. Elle est incroyable. Mais voilà. Donc, il a remonté les deux aussi. Les actes ont prouvé qu'à deux, ils étaient plus forts que seuls. Et c'est Buffy, ça. Ça, c'est pas mal. C'est tout le temps Buffy, la série. On est plus fort. Pas Buffy et Riley contre les vampires. Oui, effectivement. Non, ouais. Non mais oui, c'est le thème de la série, quoi. À plusieurs, on est meilleur. On est plus fort avec ses amis, effectivement. Ses amis ou ses petits amis. Ouais. Voilà. Bon, là, c'est génial parce que du coup, il essaye de garder son identité secrète. Il se reconnaît Spike. Il va lui dire : « Non, mais je te connais, toi, oui. » Ça, c'est un peu mal fait. Ouais, il devrait le reconnaître, quoi. Ouais. Ou peut-être qu'il est trop important pour fréquenter les hostiles. Il n'est pas du tout habillé pareil que quand il était enfermé. C'est comme Clark Kent quand il met des lunettes, en fait. Ouais, quasiment pas. Et ça, par contre, cette scène, il faut la regarder en VO parce que là, Spike, donc, James Masters, qui est américain, mais qui joue un anglais avec un accent anglais pour faire Spike, là, pour faire comme s'il était écouter un pote de Xander, il fait un faux accent américain qui est très drôle. Il est américain qui fait un accent anglais qui fait un faux accent. Écrit en plus. No, sir. Ouais, c'est toujours comme ça. Oh, un truc du sud ignoble, et que ça, c'est très drôle. Donc, là, Riley est marrant parce qu'il essaie de garder la face alors qu'après, on l'a trouvé chialé dans sa chambre parce qu'il a balancé son identité. Quoi. On garde la face quand on... La fesse, j'allais dire. Ça y est, c'est parti. Aussi. Et là, il y a une conversation très mignonne entre Xander et Willow qui quitte le lycée. Willow dit qu'elle trouve le lycée plus petit que dans ses souvenirs. Et ça, c'est adorable parce que le lycée n'a évidemment pas changé de taille. C'est Willow qui a grandi dans sa tête, qui a évolué. C'est moins impressionnant, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà retourné dans vos anciennes écoles, mais t'as la même sensation, que c'était beaucoup plus petit que ce que c'était dans... Parce qu'on est plus fort, on a c'est moins impressionnant. Et voilà. Et Willow, bien qu'elle sait que ce vilain Percy lui ait dit le contraire, Willow a changé, a grandi, a évolué et n'est plus... Il est resté au lycée finalement dans sa tête. Il est nul, ce Percy. Il est trop nul. Nul. Nul. Il est mou, il est nul. Oula. Ah d'accord. Est-ce qu'il est pire que Parker? Quand même pas. Oh non, Parker, c'est vraiment le loser. Personne n'est pire que Parker. Parker, c'est le pire de tous. À part peut-être Warren, mais... Ouais, Warren, ouais. Est-ce qu'on parle du poster sur la porte de la chambre de Riley? Avec des boules de toutes les tailles. Ouais, balls, en gros. Ma petite boule, ma grosse boule. Non, mais il est scandaleux, ce poster. Moi, je comprends pas que c'est soit passé sur une chaîne familiale. T'es bourré au mariage, on t'a dit. C'est n'importe quoi, ce poster. Donc, il joue avec sa boule tout seul aussi. Non, mais c'est ça. Il y a plein de ballons différents. Et en dessous, attends, mais vous avez pas vu ce qu'il y a écrit en dessous? Parce qu'on le voit quand on regarde la version HD, il y a écrit... Too bad there are only two that count. Dommage qu'il y ait seulement deux qui comptent. Oh non. C'est le poster de beauf ultime, quoi. Est-ce que c'est pas le poster de Riley, c'est le poster de Forrest. C'est le poster de Riley. Mais non, ils ont une chambre tout seuls, les militaires, je crois. Non, ils sont à deux dans la chambre, il y a deux lits. Non, parfois ils couchent ensemble dans la chambre de Riley. Forrest et Riley couchent ensemble. Buffy et Riley. Attention, priorité, parce que Spike dans cette scène est génial. Il est de retour, quoi. D'avoir choisi de finir sur cette scène en plus. Ça, peu importe contre qui il se bat en fait. Juste qu'il veut péter des gueules. Et c'est presque méta parce qu'il se met devant la télé, il empêche Xander et Willow de regarder à la fin de leur feuilleton tranquille. Moi, j'adore ce truc. Allez, venez, on va défoncer des gueules. Mais non, mais arrête, on veut regarder le show là. Parce qu'il découvre tout juste, il vient de rejoindre le groupe. That's alors lui, il est. Il est génial. Moi, j'adore qu'il termine. Come on, pendant le générique, tu vois. Genre, personne l'écoute, on s'en fout, allez, arrête. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Ça va trop vite. Qui est passé beaucoup trop vite sur le chat. Alors, on n'a pas du tout regardé le chat, mais j'espère que vous avez dit plein de choses super intéressantes. Ah là là, ce poster. Mais là, on va. Tué. Non, mais le poster, c'est balls, quoi. On peut le trouver. On peut l'acheter sur internet. Il est trouvable. On le mettra dans le bureau. J'avais pas vu que c'était écrit, dommage que deux ne comptent pas. Mais est-ce que ça, faut un peu fouiller. En fait, je pense que le poster est passé à la vérification de la chaîne, parce qu'en version SD, ça se voyait pas, ce qu'il y avait écrit en dessous. Mais là, avec les versions HD maintenant, on arrive à lire la petite phrase. D'un côté, vaut presque mieux lire la petite phrase, parce que sinon, ça fait un poster avec donc, les différentes sortes de balles. On se dit... Normalement, t'as une carte du monde, tu vois, pour apprendre. Non, le mec a besoin de savoir que ça s'appelle une balle de bowling, une balle de ping-pong. Avec laquelle je suis en train de jouer, là, déjà. Ouais, il est passionné par les sports. Il aime les babales. On a évidemment plein de choses encore à dire sur cet épisode qu'on n'a pas le temps. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Oh. My God. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Mallory, conclusion. Oh. Au boulot. Eh ben, conclusion, comme d'habitude, à chaque fois qu'on fait un podcast Buffy, je me dis, oh, cet épisode, il est pas ouf. Et quand je le regarde pour le podcast, je me rends compte qu'en fait, il est trop bien écrit, comme tous les autres. Et celui-là est vraiment bien. Je trouve, oui, effectivement, il est faible par rapport à d'autres épisodes, mais il raconte bien ce qu'il veut raconter, quoi. Du coup, je l'ai bien aimé, finalement. En fait, thématiquement, je le trouve super intéressant. C'est ça. Mais comme je l'ai dit dans le podcast, je trouve que c'est forcé. Des fois, on ne comprend pas. Il y a des trucs qu'on n'a pas l'habitude, nous, alors que ça parle des habitudes, cet épisode, finalement, un peu. Nous, on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'épisode un peu forcé, les personnages. Et des fois, on les sent out of character, comme on disait tout à l'heure. Il y a la mise en scène, ça va pas du tout à plein d'endroits, notamment les scènes de combat sont nulles. Enfin, quand on sait qu'ils étaient bourrés quand ils l'ont écrit, on comprend mieux. Non, mais, enfin, on en rigole, mais quand on a découvert ce truc-là, je me suis dit, mais en fait, ça explique tout, en fait, la qualité un peu basse de l'épisode. Et je le rappelle, tout simplement, c'est des humains derrière, ils ont une vie, ils doivent sortir 24 épisodes par saison, forcément, ils peuvent pas être au top. Épisode qui suit Hush également. Enfin, voilà. Et en plus, ils ont tout donné sur Hush. Hush, ouais. Le tournage de Hush n'a pas duré qu'une semaine. Enfin, voilà, tout a dû déborder sur la prépa, sur le. Voilà, tout Hush, donc forcément, moins de temps pour faire les épisodes qui suivent directement, quoi. Non, puis je trouve que même sur un épisode pas ouf de Buffy, il y a toujours des moments où vraiment c'est drôle et où tu te dis ah quand même, enfin c'est bien joué quoi. Et après c'est tout l'intérêt de notre podcast, on le dit régulièrement, mais on aime bien aussi les épisodes qui sont considérés, enfin un peu décriés, parce que on se rend compte à chaque fois comme on vient de le faire ce soir qu'il y a des choses à dire tout le temps. Et parce qu'ils tiennent leur thématique. Pendant tout l'épisode, le thème de on est condamné, on n'arrivera pas, le trauma qui revient, ça, ils le tiennent dans chaque scène, ça fonctionne. Ah, la thématique fonctionne de ouf, hein, en vrai. Alors, moi, je trouve que ça fonctionne de ouf. Je trouve par contre que les démons, mais c'est pas forcément un mal, que les démons sont un peu moumou, quoi. Ouais. On s'en fout. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand ils sont dans la crypte et qu'elle vient lui casser la gueule. Vraiment, il prend les ossements à deux à l'heure. Oh. On a vraiment l'impression que ils sont moumous, quoi. Ouais, c'est le costume, ça. Ils parlent pas. Enfin, c'est vraiment des démons fonctions, quoi. Ouais, on sait pas trop. Ouais. Même quand ils se font ça casser la gueule, ils sont un peu. Oh, d'accord. Et puis là, ils sont censés ouvrir la bouche de l'enfer, provoquer une fin du monde. Enfin, t'as l'impression que la menace est super. Grave, quoi, très dangereuse, mais en fait. Parce que la menace, c'est les traumatismes qui reviennent. Les démons ne font pas spécialement peur. Bah non, c'est pas ça l'enjeu. C'est pas ça du tout. Je sais que les fins du monde sont vraiment secondaires maintenant dans Buffy, quoi. Mais en tout cas, c'est ça, moi, que j'adore dans Buffy, c'est cette balance entre l'exceptionnel et le quotidien. Et pareil, dans les derniers épisodes de la série, où ils sont la veille du grand combat final, et où tu découvres qu'en fait, ils sont pas en train de préparer un plan de bataille, mais juste ils jouent à du jeu de rôle, ou je sais pas quoi. Tu te dis, en fait, c'est vraiment la fin du monde fait partie de la banalité du quotidien, quoi. Ça me fait penser à l'épisode de la saison 3, The Zeppo, où la fin du monde dans The Zeppo, on est du point de vue de Xander, et lui, il arrive toute une histoire pendant la nuit, et la fin du monde, c'est de côté, et lui-même sauve le monde sans s'en rendre compte. Effectivement, il y avait l'urgence dans les scènes de Buffy. Entre Buffy, Angel, et, tout ouais, ça. C'était, c'était exacerbé à fond, ils étaient tous sérieux, il y avait zéro blague. Ouais. Et alors que du côté de Xander, lui, il vivait complètement une autre timeline, quoi. C'est bordel, ça. Il y a une sorte de redite dans cet épisode que je trouve que c'est pas inspiré en il fait. Ça manque, d'un truc ce Doom là. Il manque un petit truc, je suis d'accord. Ok, d'accord. Il est bien quand même, mais je trouve que ça manque de quelque chose. Ça manque. Il manque l'étincelle. Bah moi je le trouve très bien cet épisode. D'ailleurs c'est mon épisode préféré. Voilà. Pour le coup les scènes avec Spike sont excellentes. Oui, là sont les 3-4 scènes où on le voit plus bactère, c'est vraiment très drôle. Et ça casse complètement l'image qu'on a de lui depuis le début de la série. C'est vraiment génial. James Mercer il est vraiment trop drôle. Bah ouais, non, mais plein de. On parle pas de Ryan aussi, mais dans cet épisode il prend une vraie ampleur, excusez-moi. Avant il était un peu fade. Là, ça y est, devient un petit peu intéressant. Il y a une formule que j'aime beaucoup parce que Doug Petrie a donné une interview pour la BBC qu'on peut retrouver sur Internet où il parle de cet épisode et il a une phrase vachement bien que j'aime beaucoup. Il dit Buffy et Riley sont le roi et la reine de leur propre monde et ils ont leur propre méthode pour gérer les ennemis. Et ça, on le voit très bien dans l'épisode et j'aime bien ce côté, ouais, roi et reine, quoi. C'est vraiment. C'est ça, ouais. En fait, ils se rencontrent, ils sont. Jusqu'à présent, ils jouaient le rôle de la petite étudiante, le petit. Assistant de la prof. Elle lui reproche, d'ailleurs, dans la scène dans la rue, je crois. Elle le traite d'assistant de psychologie. Enfin, je sais plus quel terme il utilise exactement. Et voilà. Et là, on voit qu'en fait, non, c'est tous les deux des super forts dans leur domaine. Et bah, y a aussi ça. Il y a aussi une querelle d'ego, une querelle de méthode. On va pas gérer les choses à la même façon. Alors qu'on fait le même métier et tout, enfin, c'est important aussi de voir les choses du point de vue de Riley et puis, pour comprendre l'épisode. Riley, le problème, je pense qu'il souffre aussi du personnage qu'il incarne parce qu'il joue un militaire et militaire, c'est chiant en fait, tu vois. Enfin, je veux pas faire de généralité en vrai, mais quand les militaires, non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais quand on les met en scène, genre ils suivent les ordres et ils se questionnent pas. Ils sont dans un certain cliché, la l'initiative. Et c'est ça que le parcours de Riley va être hyper intéressant là-dessus. Et du coup, ce qui le rend intéressant à mes yeux, c'est ce qui le rend chiant aussi pour plein d'autres raisons. Oui. Et puis on va voir que lui, il a besoin d'un cadre, il a besoin de règles, il a besoin qu'on lui donne des ordres aussi parce que. Mais je voulais pas dire que tous les militaires sont chiants. Si, c'est exactement ce que. On t'en transmettra les messages. Moi-même, j'ai un ami militaire. Aïe, ça a glissé, ça y est. En tout cas, c'est pas pour rien que Riley, enfin que Mark Lucas, c'est au générique maintenant de Buffy. Ça y est, il fait partie de c'est un épisode pas mal. Voilà, on l'a pas dit. C'est le premier épisode dans lequel il est au générique. Ouais, je sais pas si on l'a dit clairement. Il y sera jusqu'à la Note fin de la saison 5. Note aux militaires qu'on dit dans le. Exactement. On passe à la rubrique des invités. Wouhou. Jingle. Na na na. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça. Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'elle a des vampires. C'est badass. Et elle est gros sein, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça vous donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. Et oui, rubrique des invités, incroyable, deux invités, c'est complètement fou. Alors déjà, je demande au chat si vous avez des questions pour nos deux invités. Préparez des questions pour les... N'hésitez pas. Pour Roxane et Juliette. Les questions, les questions. Parce que déjà, on a quand même notre interview de prête, avec nos trois questions rituelles. L'interview est calée, quoi. Depuis 11 ans, hein, 11 ans qu'on fait des interviews, on est incroyable. Non, c'est toujours les mêmes questions. Comment vous avez découvert Buffy? Vas-y, commence, Roxane. Moi, on l'a dit un peu tout à l'heure, c'est la trilogie du samedi. Ok. Et j'avais pas le droit de regarder, mais mes parents sont un peu des geeks. Hein. Ils adorent tout ce qui est fantastique. Je me cachais dans les escaliers pour regarder V, Stargate. Parce qu'eux regardaient, mais toi, t'avais pas le droit. J'avais pas le droit, j'étais petite. Voilà. Et donc, et Buffy, bah pareil, je me cachais dans les escaliers. Et donc. Ils m'ont engueulé 2-3 fois et au bout d'un moment, ils ont compris que ça ne servait à rien. Et donc, ils m'ont dit, allez, descends et regarde avec nous. Et quel âge alors? Quel âge t'avais? Je sais pas, j'avais quoi? 9 ans? 8 ans? Ah ouais? 10 ans? Donc, on peut apprécier Buffy à cet âge-là. Ah bah, moi, j'ai commencé à regarder des trucs comme ça. Bah, je vous dis, je regardais V. Donc, j'étais... Donc, ouais, je sais pas, Buffy, j'avais peut-être 10 ans, 10 piges, peut-être 9 ans. Non. Mais désolée. Mais voilà, non, j'étais à fond et c'est vrai que mes parents sont des fans de science-fiction, donc voilà comment j'ai découvert Buffy. Okay. Très très fan, très vite. Et toi Juliette? Moi je l'ai un peu dit aussi tout à l'heure, mais c'était beaucoup plus tard au final, parce que donc moi j'avais pas le droit de regarder la trilogie du samedi, c'était trop tard le soir, tout ça. Mais j'avais quand même chopé des épisodes de Buffy par-ci par-là, notamment l'épisode, je sais plus comment il s'appelle, mais de la saison 4 où le professeur Walsh se fait transpercer par Adam. Et du coup j'étais tombée là-dessus, j'ai fait waouh, et j'étais quand même gamine et ça m'avait choqué quoi. Je me dis putain, mais en fait c'est violent Buffy. Mais sa mère en plus. Ouais, voilà, c'est ça, cette séquence de fin. Et c'est quand mon père m'a offert le premier coffret de la première série que j'ai commencé à regarder, donc au final en VO. Et ensuite, c'était un peu le rituel. À chaque anniversaire et à chaque Noël, il y avait la fameuse promo un coffret acheté, le deuxième offert. T'as une saison à chaque anniversaire. Et voilà. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai pas suivi les... À la télé, en fait. Ouais, t'as voilà. Suivi après. En parallèle. Et j'ai trouvé ça génial. Et au final, au début, j'étais seule à regarder les épisodes. Et à la fin, il y avait ma mère et ma sœur qui m'appelaient Juliette, on regarde Buffy. Et moi, je disais, mais maman, je passe le bac demain. On s'en fout. Ok. Voilà. Ouais, et plus que priorités. Ça, moi, c'est la série qui m'a donné envie d'être comédienne. Parce que c'est une question que j'allais vous poser, mais clairement, ouais, d'accord. Clairement. Okay, après, moi, je regardais en français, donc c'est ma petite Madeleine de Proust de la regarder en français. Mais du coup, je répétais les scènes toute seule devant la glace. Mais alors, parce que le personnage de Buffy ou d'autres personnages ou la série? Non, le personnage de Buffy. Mais Buffy, ouais. Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte, regardant, qu'elle chialait beaucoup, quoi. Et moi, à l'époque, j'étais vachement... trop bien. Avec les années, je me suis dit, elle chiale quand même beaucoup. Hein. C'est pas facile, si elle arrive aussi en même temps. Elle a des raisons, mais c'est vrai qu'elle chiale quand même beaucoup. Et ouais, non, c'est vrai, ça m'a donné vraiment envie de devenir comédienne. Il y a des scènes qui sont vraiment... quand elle apprend qu'elle va mourir. Dites-moi la bonne aventure. Ouais. C'est vrai que vous êtes très utile, le nez plongé dans vos bouquins. Voilà, c'est des scènes que tu te répètes devant la glace. Et je vais même aller plus loin, c'est que forcément dans une carrière de comédienne, après il y a plein de choses qui se passent, on fait plein de choses. Et il y a un moment donné, on se demande, ok, mais c'est quoi mes vrais objectifs, là où j'ai envie d'aller. Et il y a peut-être un an et demi, deux ans, je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours envie d'être Buffy contre les vampires. Ouais. J'ai toujours envie de ça. Parce que ça mélange pour moi un peu de soap opéra avec du film de genre. Et c'est vrai que concrètement, s'il y a des producteurs qui m'écoutent et des réalisateurs. Ils sont très nombreux, ils sont 27 là. Non, mais c'est vrai que j'essaye de faire de plus en plus de films de genre et je m'éclate dedans. Et j'aime bien aussi les films de Noël et comédies romantiques. Je suis éclectique. Bref, voilà, je veux toujours être Buffy contre les vampires. Il y avait Camille sur le chat qui disait plus les années passent, plus j'apprécie le personnage de Buffy. Effectivement, peut-être à la revoyure, tu te rends compte aussi tu de. La comprends, tu la comprends. Elle devient complexe, le meilleur ouais. personnage, alors que peut-être quand t'es première fois que tu regardes, c'est plutôt Xander ou peut-être bah, Spike. Buffy ou... est trop peut-être impressionnante. Peut-être qu'elle est trop mise en avant justement pour être un personnage préféré. Enfin, moi, je sais que mon personnage préféré, c'est Willow et Spike aussi. Mais et je trouve que, enfin, il y a des choses beaucoup plus subtiles qui se jouent dans l'ombre, alors que Buffy, comme elle est toujours dans la lumière, son parcours est quelque part plus classique. Ouais, ouais. Et ce que je trouve, enfin, la grande force de la série, pour moi, c'est aussi tous les personnages qui ah, l'entourent, évidemment. Qui sont d'une force et d'une finesse incroyable, quoi. C'est marrant, moi j'ai toujours préféré Buffy depuis le début, c'était ah ouais, ma préf. Quoi. Ouais, après, j'étais amoureux, ouais, elle m'intimidait. Moi j'étais intimidé par Buffy, ah, la meuf elle est beaucoup adoré. Trop forte, beaucoup trop géniale, ça, ouais. beaucoup trop drôle, beaucoup... enfin elle est trop quoi. Ouais, mais elle est hyper complexe comme personnage principal, ah, ouais. c'est ça qui est trop oui. bien, je trouve. Parce qu'elle a des tas de défauts en fait, où des fois t'as envie de lui dire qu'elle est égocentrique, qu'elle rejette ses amis et tout, mais. Elle est hyper humaine en fait, elle est trop bien écrite, j'adore ce personnage. Elle est géniale, je crois. D'accord. Ouais. Je crois que c'est le nom de la série en plus, c'est fou. Buffy, elle est géniale. Mais en tout cas, je trouvais ça marrant de vous écouter parler de votre lien avec Buffy parce que moi, je me rends compte que j'ai pas conscientisé la chose comme ça. Enfin, pour moi, c'était pas dans le concret en mode j'ai regardé Buffy, je voulais être comédienne. Je crois que ça m'a plus nourri dans ma sensibilité, dans mon évolution d'ado, de jeune adulte et puis de femme aujourd'hui. Et moi, je me suis vraiment accrochée en fait au personnage, à ce qu'il vivait, et ça m'a juste fait des trucs de ouf à l'intérieur de moi. Ouais. Et voilà. Après, bon, c'est sûr que si on me propose un rôle dans une série dans le reboot, je cracherai pas dans la soupe, mais... Bon, le chat est d'accord, hein. Oui, la richesse des personnages, la richesse de la série, ce sont tous les personnages. Tara est citée, et Anya comme les personnages préférés. Oui, bien sûr. Big Game, c'est vrai, ce n'est pas un reboot. C'est compris. On parle de la suite, ouais. On peut enchaîner avec les questions. Votre épisode préféré, ça va être... ça, c'est coton. Hein, c'est un petit peu coton, hein. Elle dit non de la tête. Hein, vous voyez. Alors, elle ne veut pas répondre, elle refuse l'obstacle. Si, on va répondre. Moi, j'en ai deux. Ah bah non, on a dit l'épisode préféré. Ah, ça va être dur entre les deux. Oui. Non, si, j'aime beaucoup, du coup, j'ai vu qu'en anglais, c'était Help dans la saison 7, donc c'est l'épisode 4, ou avec l'épisode avec Cassie, donc apparemment, vous avez fait un... On l'a déjà fait. Vous l'avez déjà fait. Je l'adore, Help. Cet épisode, parce que j'adore la fatalité du truc. Elle sait qu'elle va mourir, elle le sait. Et Buffy qui se bat contre ça, mais jusqu'au bout, qui n'y arrive pas. Et je trouve ça tellement touchant et tellement proche de la vie réelle, des combats qu'on a, où on a une impuissance totale. Enfin, je fais un rapport avec... quand on accompagne quelqu'un qui est malade, on a beau se battre, la maladie peut gagner, en fait. Et en fait, il y a tout ce truc-là, pour moi, derrière cet épisode, que j'ai trouvé super touchant. Et ce personnage qui est d'une beauté absolue, quoi. Mais c'est pour ça qu'il est hyper important, cet épisode. C'est qu'il apprend à Buffy que des fois, il faut qu'elle lâche prise et qu'elle ne peut pas aider tout le monde. Elle en avait fait. Déjà appris quand sa mère est décédée. Pas de la même façon. C'était le choc, là. Là, elle doit accepter. Avec Cassie, il faut qu'elle accepte. Oui, c'est pas pareil. Parce qu'elle sait que ça va arriver. Oui, elle se sent impuissante. Bravo, Roxane, tu as réussi. Merci. À trouver un épisode préféré. Le plus compliqué. Juliette au boulot. Non, mais c'est elle dit non de la tête. Non, je ne répondrai pas. Non, mais bon, enfin, moi, il y en a un qui me bluffe quand même, mais je pense que ça fait partie du top 3 des meilleurs épisodes de Buffy, c'est The Body. C'est. Oui, bah ouais. Voilà, parce que je trouve que c'est vraiment un tour de force magistral. Donc je vais pas y revenir dessus parce que je pense qu'il a été analysé plein de fois. Après, dans les plus standards, je sais pas, il y en a trop. En fait, ça dépend des humeurs. Enfin, quelle saison tu préfères, par exemple? Et là, en ce moment, là. La 6. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. La 6, c'est ma préf. Bien, la 6. C'est ouais. La pire. Non, je suis quoi? D'accord. Mais non, pas du tout. Quoi, mais non, pas du tout. Mais non, c'est le choc. J'adore quand il y a des débats dans le podcast. J'adore la 6 parce que justement il y a pas de super méchants, ou alors enfin les super méchants c'est des mecs, c'est un gros incel random, ouais, c'est des mecs ouais des incels masculins qui sont on ne peut plus humains et ouais. Banals, enfin ouais. Et voilà, donc et le premier épisode de la saison 6, moi quand je l'ai vu, ça m'a scotché, j'ai trouvé tellement fort en intensité, en puissance, et puis j'ai trouvé ça dark, enfin ouais, je trouve vrai, qu'en fait ouais, la série prend vraiment un autre tournant, que tu sens que là t'es dans le dur du truc, tu vas vraiment chercher dans les dans bah, les c'est abysses. La saison de la dépression, hein, la saison ouais. 6. Bah, et puis il y a le changement de chaîne, plus de liberté, le plus changement de show. Ouais. C'est Martin Oxon qui prend la main sur la série pendant que Whedon fait Firefly, je crois. Ouais. Est-ce qu'on a voilà, et la dernière question qu'on pose à nos invités avant la suite de l'interview. Il y a votre maître du jeu qui vous juge, hein, sur le chat, hein, je vois. Ouais, on voit ça, on voit ça qui nous juge. Transition parfaite, parce que la question, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous regardez pas Buffy? Je cesse d'exister. Je ne... non, je... On ne fait ça. Que travailler sur Roland Play, Julien Dutel. on prépare nos personnages, oui. Julien Dutel. On y réfléchit beaucoup. On remplit nos fiches. Oui. Non, mais on peut l'expliquer, parce qu'il y a sûrement plein de gens qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est Roland Play. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'émission? Et bah oui, et bah Roll and Play, c'est une petite émission où des copains qui s'avèrent tous être comédiens ont décidé de jouer une campagne de jeu de rôle. Ça existe depuis 7 ans, donc c'est un actual play qui est diffusé sur YouTube. Parfois on fait des épisodes en live sur Twitch, mais c'est quand même assez rare. Voilà, et là on a tourné 3 campagnes et on va commencer la quatrième. Campagne incessamment sous peu. Cool. Voilà, et donc le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? C'est une table autour de laquelle il y a des joueurs-joueuses et un meneur ou une meneuse de jeu, et en gros ça se passe dans plein d'univers différents, on choisit son univers, là en l'occurrence c'est de la fantasy, et le meneur ou la meneuse a un scénario qu'elle fait jouer à ses joueuses, et ce sont des dés qui vont déterminer si les actions des joueurs et joueuses sont un échec ou une réussite. Et nous on joue vraiment les scènes, forcément en impro, mais on les joue vraiment. Voilà. C'est ça la spécificité de Roll and Play, c'est que vous êtes tous autour de la table, vous êtes tous comédiens ou comédiennes. Exactement. C'est ça. Donc oui, ça rapporte un certain plus dans l'interprétation. En termes de roleplay, beaucoup. Ouais. Voilà, on en parlait avant l'émission. Effectivement, la fin de la dernière campagne, l'ombre des 12, vous êtes en larmes quasi tous autour de la table. Ouais, c'était éprouvant. C'était éprouvant comme fin, ouais. Mais c'est parce qu'on a MJ qui est sadique aussi, donc il aime bien nous mettre dans des situations un peu. Mais les MJ sont toujours sadiques. Et non, parce que quand on parle de campagne, c'est combien d'heures de jeu environ? Ah mais là, c'est énormément d'épisodes de Roland Play. Ben... Vous faites des one shots sur d'autres jeux. Ouais, c'est ça. Pas que la campagne principale. Je ne saurais pas dire, mais c'est un contenu un peu fou. Il y a 19 épisodes par saison environ. Ça fait 7 ou 8 ans que vous faites ça. Ouais. Donc 2 saisons par an. On va parler comme ça. Donc ouais, ça fait 14 saisons fois 19. On n'a même pas Sébastien pour compter à notre place. Ouais, voilà. 14 fois 19, je sais pas. Ça fera à peu près... Les gens sur le chat vont compter, pas de soucis. Voilà. Et du coup, on en parlait un petit peu. Moi, je suis à fond jeu de rôle. Et vous, est-ce que c'est votre premier jeu de rôle ou avant Roll and Play, vous jouiez pas? Ah ouais? Pas du tout. Non, okay. Moi je connaissais le jeu de rôle, mais j'avais cette image un peu de personnes qui se réunissaient dans la cave et qui faisaient des trucs et je sais pas quoi. Et un public très masculin aussi. Aussi, mais parce que c'était le cas la plupart. Avant, bien sûr. Oui, ouais. Avant, là, ça se démocratise, on voit plus de mixité, mais. Mais ouais, et du coup, c'est avec Roll and Play que j'ai découvert, comme j'avais des collègues qui jouaient, j'ai commencé un peu à regarder, à dire tiens, c'est marrant ce qu'ils font. Et ensuite, on m'a proposé de rejoindre la table, et là je me suis embarqué dans le truc. Et... Ok, excellent. Voilà quoi, j'ai chopé le virus. Et toi, Roxane, parce que toi, t'arrives plus tard dans Roll and Play, t'es pas là au début. Ouais, moi plus tard. En fait, moi, j'avais déjà fait quelques parties avec des copains, mais sur vraiment des one-shots. Et j'avais travaillé pour Asmodée. J'avais été animatrice pour Asmodée. Et c'est un pote d'Asmodée qui m'a envoyé le... Johan, si tu m'entends, je t'embrasse. Qui m'a envoyé le casting de Roland Pierre en me disant « Mais ça, c'est clairement pour toi. » Et c'est vrai que j'ai participé un peu en mode « Bon, je vais voir. » Et ils m'ont appelé pour un one-shot. Et quand je suis arrivée à la table, j'ai dit « Ah, je veux trop continuer, ouais. Bah, une fois que t'es mordu, je suis Bucky contre les vampires. Ouais. » Bah, bonne transition, parce que toi, Juliette, t'as fait... T'as mené une partie Buffy contre les vampires sur Roleplay, donc. Ouais. Bah oui, parce que j'avais envie de passer de l'autre côté de l'écran, mais avec un univers que je kiffe, du coup. Enfin, j'en ai profité, quoi. Et donc, bah, ça pouvait être que Buffy. Ça sentait, parce que tu, régulièrement, tu portes des t-shirts Buffy. Ouais. Et puis, t'as même tes figurines pop que t'amènes avec toi. Et après, c'est que des cadeaux, pour le coup, qu'on m'a fait. Ouais, que ce soit le t-shirt ou les figurines, parce que, enfin, c'est ce que je vous disais en off, c'est que je suis un peu une fan de l'ombre, je suis vraiment fan de Buffy, mais je... Tu mets pas ça en avant? Non, enfin, en tout cas, pas dans les goodies ou quoi. Quand on m'en parle, je peux en parler pendant des heures et j'en parle très souvent, mais sinon, voilà, je suis une fan humble. Enfin, humble de... Non, mais excellent, parce qu'en plus, autour de cette partie, t'avais eu Fibre Tigre, Julien, justement, qui jouait aussi, il me semble. C'est ça, ouais. Enfin, t'avais des DMJ expérimentés, quoi. Ouais, bah, c'était pour m'accompagner un peu dans ce passage de cap. Okay. Et tout le monde avait été vraiment super... super bienveillant, à l'écoute, et c'était trop chouette. Donc pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle Roll and Play One Shot MJ All Stars. C'est ça, la vidéo où on peut voir toute cette partie spéciale Buffy, parce que effectivement partie, après ça n'a rien à voir avec Buffy en vérité, ce que vous faites, mais... Ah bah si. Bah c'est dans l'univers de Buffy. À part cet épisode, je veux dire, la campagne principale, en fait, c'est pas ça. C'est pas annoncé comme tel, c'est-à-dire que c'est juste un one-shot MJ All-Star. Moi, j'ai choisi de le mettre dans un univers Buffy, donc il y a des clins d'œil à Buffy. Ah ouais, il y en a pas mal, quand on regarde, oui. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, ça va plaire, ça va plaire aux fans de Buffy. Ouais, moi j'ai pris ça aussi, c'est exactement le même... Ça se passe à Cleveland, la deuxième bouge de l'enfer. Et oui, voilà. Donc ouais, j'avais fait des petits clins d'œil. Vous êtes aussi comédienne, vous faites pas que du jeu de rôle, c'est ça? Eh ben non. Qu'est-ce que vous faites? On parlait un peu de doublage tout à l'heure. Toi, Juliette, tu... Ouais, bah à côté de ça, je fais de la voix off et du doublage. Donc, des téléfilms, des séries, des web-séries. Donc ça, c'est chouette. Et puis, de la voix off, où là, je bosse plus sur de la fiction audio ou des contes ou parfois de l'institutionnel et puis des pubs. Bon, c'est moins mon dada, mais ça fait partie aussi du métier. Bah oui. Et puis aussi pas mal de théâtre avec des compagnies un peu partout en France. Je fais du théâtre de rue, je fais du théâtre d'impro, je fais du théâtre contemporain, je fais du théâtre forum. Enfin voilà, je fais pas mal de trucs. Une petite casquette. Ouais. Mais c'est cool parce que comme ça, tu varies les plaisirs, tu fais jamais la même chose et... Et c'est chouette, quoi. Ouais. Tu t'ennuies. Toi aussi, Roxane, t'as un peu le même parcours. Oui, oui, tout à fait. Moi, je suis beaucoup au théâtre. Je suis dans plusieurs compagnies. Je fais de l'improvisation aussi depuis maintenant 17 ans. Donc, c'est très cool. J'adore ça. Je fais un peu de stand-up. Voilà. Okay. C'est un peu mon délire depuis l'an dernier. Donc, voilà. Et puis, je tourne dans pas mal de petites choses. Donc, c'est chouette. Voilà. Est-ce que vous arrivez, je reviens un peu au jeu de rôle parce que je suis un peu focus. Alors, on peut lire, t'es un spécialiste du jeu de rôle aussi. Je fais des actual plays aussi en podcast. Fais son modeste. Tu as un podcast de jeu de rôle. JDR Academy. Hebdomadaire de parties. Donc on est plusieurs à faire des parties. Donc on fait pas de campagne pour le coup, on fait surtout des one-shots. Et donc oui, effectivement, je suis à fond dedans. Je me demandais, est-ce que ça influe? Est-ce que votre travail, ce que vous faites dans le jeu de rôle, est-ce que ça vous aide après quand vous êtes comédien et inversement, est-ce que c'est un cercle vertueux de faire ça? Parce que sur l'impro, c'est clair et net, ça développe cet aspect-là du métier, mais... Sur l'impro, clairement, alors, en matière de technique déjà, oui, puisque effectivement, on fait beaucoup, beaucoup d'impro dans Roll and Play, et y a vraiment on est instantané là-dessus. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, même au niveau de la carrière, puisque... on le dit pas, là, les gens s'en rendent pas compte, mais c'est quand même un gros succès, Roll and Play. C'est un gros succès, et le fait que moi, j'ai envie de faire des films de genre, maintenant, ça a plus de poids depuis Roll and Play. Et c'est vrai que plus je fais de projets de films de genre, plus on peut m'étiqueter dedans. Enfin, tout est... En fait, c'est un cercle vertueux. Ouais. Donc c'est chouette. Oui, parce que dans les JDR, on va souvent dans les mondes de l'imaginaire, dans la fantasy, le fantastique, le genre, l'horreur, ces choses-là qu'on explore peut-être moins en série ou en cinéma. Enfin, en France, de plus en plus quand même, ouais. Mais moins quand même. Oui, et puis on parle le même langage que les gens qui font ces films, en fait. Parce qu'ils adorent généralement le jeu de rôle. Les nerds, encore une fois. Voilà, exactement, les nerds. Non, mais c'est vrai, c'est souvent des gens qui font du jeu de rôle, qui ont les mêmes univers, qui ont les mêmes délires. Donc c'est vrai que c'est cool, quoi. Puis là, Roleplay, c'est aussi professionnel. Hein. Il y a tout un actual play, donc filmé. Vous êtes autour d'une table, il y a de la déco. Vous avez parfois, enfin, vous avez un générique en costume. Vous avez, c'est vraiment professionnel. Et vous faites des financements aussi, c'est ça, financement participatif. Ouais, c'est ça pour financer l'émission ou. Une partie de l'émission, en tout cas, parce qu'avant, on était produit par Black Book édition. Et là, depuis 2 ans, on a pris notre indépendance et donc c'est devenu Mimir Productions. Et du coup, y a une vraie recherche qui est faite de mécènes, de sponsors, de collaborations et aussi, en grande partie, le financement de la communauté, en fait, qui nous permet de continuer l'aventure. C'est ça, vous êtes poussé par les fans, mais c'est génial. Ça. C'est hyper gratifiant de voir que vous êtes si autant suivi. On les aime, hein. Franchement, ils sont trop, trop mignons. Quoi. Gratitude infinie, ouais. Ouais, ouais, ouais. Carrément. C'est en fait ce qui est génial parce que moi, je fais aussi des vidéos avec les imparfaits. Je fais des vidéos humoristiques. Okay. Et c'est des gens plutôt qui swipe. Qui vont regarder les vidéos, qui swipe. Donc parfois ils font c'est trop drôle. Parfois c'est des commentaires super dégradants, genre t'es moche. On a le droit à tout. Jamais ça arrive. Vous êtes exposé. On est exposé, mais jamais ça arrive. Enfin franchement, nous les gens qui nous suivent sur Roleplay, c'est tellement des gens gentils et intéressants et enfin c'est une communauté vraiment nord. C'est pas le même investissement de regarder une vidéo de quelques secondes et comme tu dis de swiper que de regarder un actual play de 2 heures. Là t'es plus tu t'investis. Il y a un attachement, enfin quand vous faites des campagnes, vos personnages reviennent tout le temps, il y a un attachement qui doit être d'autant plus fort parce que votre personnage évolue, vous le voyez, vit plusieurs aventures. Oui, c'est sûr que c'est rare les projets en tant que comédienne où tu as l'occasion de pouvoir créer un personnage et l'écrire sur une longueur aussi développée. C'est une série télé, finalement, sur 22 épisodes. Il y a un temps de jeu qui est très, très long. Et sauf que là, tu es vraiment maîtresse de ton perso. C'est pas un script qu'on te donne. Enfin, t'as le cadre du scénario et... Le maître du jeu, réalisateur, entre guillemets, impose finalement. C'est ça, mais toi, à l'intérieur, tu chemines comme tu veux ou comme les dés te le disent de le faire. Mais, Ça, c'est la part d'impro aussi, d'aléatoire qui fait que... C'est ça. Impossible de tout anticiper. Et du coup, c'est une bonne transition. On en a parlé aussi tout un petit peu tout à l'heure. Donc, je vous ai vu chialer comme pas possible à la fin. Et en fait, c'est à quel moment. Alors, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle. Mais je n'ai jamais chialé. J'ai eu des émotions, un petit peu ému. Mais là, comment vous arrivez à un tel niveau d'intensité? Est-ce que vous pensez que c'est juste le fait d'avoir joué beaucoup avec les personnages ou le fait d'être autour d'une table ou... Je pense que c'est aussi quand on voit les collègues qui, enfin, ce qui se crée aussi sur le moment. Enfin, moi, quand j'ai vu Ryan interpréter sa séquence à la fin, j'étais, j'avais le souffle coupé parce que ce qui se passe, c'est beau et parce que c'est organique, parce qu'on est pleinement là, on joue l'instant, on lâche prise et du coup, on s'engouffre dans le truc et ça déroule quoi. Et on voit la scène. C'est-à-dire, on la voit, quoi. C'est exceptionnel, le jeu de rôle. Justement, j'ai une question sur ça, sur l'interprétation et le personnage. Parce que moi, quand je fais du jeu de rôle, dès qu'il y a un choix à faire pour mon personnage, je ne raisonne pas en tant que Sartman. Je regarde ma fiche de perso et je me dis, là, je joue un gros bourrin, donc je lui fais prendre une décision de gros bourrin. Ou alors, je joue... un gars plus sensible ou voilà, je fais exactement ce que ferait mon perso et du coup je suis détaché en fait du personnage Vous, comment vous faites? Est-ce que vous êtes à fond? Man, il dit pas, il joue que des gros bourrins dans les jeux de rôle à chaque fois, c'est toujours pareil. Je suis souvent le gros bourrin. Sauf, sauf quand tu fais Giles. Des fois, il joue Giles, non, il fait coup, très bien. C'est pratique parce que tu débranches ça. Mais je veux dire, est-ce que vous essayez de coller à la fiche de perso ou est-ce qu'il y a un peu de vous que, comment ça fonctionne cette mécanique? Bah, je pense que dans chaque. Enfin, en tout cas, je vais parler pour moi, mais dans chaque perso que j'ai créé ou que j'ai joué, forcément, tu mets de toi parce que voilà, bah, déjà, c'est de l'impro. Donc, du coup, c'est plus fort. Voilà, mais tu joues aussi ton perso. Après, ce qui va faire la différence, c'est justement, quelle que soit la proximité, enfin, même si le perso que tu joues est loin de toi dans les faits, ce qui va se jouer en tant qu'enjeu, bah, ça va te faire que toi, si tu te mets à la place dans les enjeux du perso, ouais. Et ben ça va te toucher, quoi. Que le perso soit un gros bourrin, ou alors qu'il soit tout timide, ou j'en sais rien. Enfin, forcément, tu vas y avoir un truc qui se joue, quoi. Ouais. Ouais, okay, ouais. Mais je pense aussi qu'en plus, comme vous êtes comédienne, vous avez une capacité à vous mettre dans la peau des personnages qui est aussi peut-être plus forte que nous. Moi, je sais que quand je fais du JDR, je ne suis pas forcément à l'aise non plus pour faire du roleplay premier degré. Du coup, je vais avoir tendance à me mettre dans la peau du personnage et à moi me laisser de côté. Et ça m'est arrivé une fois d'être touchée par un de mes personnages, parce que ça faisait longtemps que je le jouais. Mais je pense aussi que quand tu es comédien, tu as ce truc vraiment de t'impliquer dans ton personnage à fond. Et tu ne le joues pas, ça devient toi, en fait. Ouais, en tout cas, le temps de jeu. Et c'est vrai que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est comme une série. Donc, en fait, nos personnages ont tellement évolué. Ouais. Mmh. Bah, c'est ça, ouais. Au bout d'un moment, en fait, ils nous dépassent un peu. Enfin, il y a... Ouais, ça, ils évoluent. Enfin, c'est un peu spirituel, ce que je veux dire, mais ils évoluent presque sans nous. Ah, mais c'est ça. Donc, du coup, t'es face à la scène. Moi, je vais spoiler, mais c'est pas grave. Après l'arc 1... Athénaïs, elle perd son père et j'étais dans un état où je me disais mais comment elle va faire, comment elle va, alors j'étais sortie, j'étais mais la pauvre, mais comment elle va faire, et c'était mais du coup c'était d'une beauté, et après donc et ça en a fait un truc de malade parce qu'elle est devenue à moitié folle, enfin je me suis éclatée, ce personnage a tellement évolué que toi comédienne tu ne peux que t'éclater dedans. Et là où je suis d'accord aussi avec Juliette, c'est que on interroge plein de choses dans le jeu de rôle. Oui. Et dans cette campagne notamment, on a interrogé plein de sujets, notamment bah, avec ce personnage. Moi, j'ai interrogé où va la part de noirceur, est-ce qu'il reste une part de lumière, à quel moment tu essaies de te racheter ou pas, et c'était super intéressant. Enfin, ça te dépasse un peu, quoi. Mm-hmm. Vous avez d'autres questions à poser à nos invités? Attends, mais Leslie, ils ont un petit décalage sur le chat. Là, je m'adressais à vous. Ah oui, pardon. Pardon, excuse-moi. J'ai pas de questions, là, tout de suite. J'ai fait tout ce que je voulais dire. Et si, je vais rajouter un petit truc, quand même, pour parler de Buffy. Allez. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien, que j'ai commencé à faire en tant que comédienne au départ, mais en fait, qu'on peut faire au quotidien. Donc, c'est quand on appréhende un rôle, on peut très bien le faire avec une énergie. C'est-à-dire l'énergie de tel... Enfin, s'inspirer d'un personnage existant. Et même dans la vie. Et donc, moi, ça m'est arrivé plein de fois de me dire « Joue-la comme Buffy, quoi. » Ok. Et c'est assez chouette. Voilà. C'était la petite anecdote. Bah oui, c'est toujours... De jouer petite comme Buffy, c'est toujours... Joue-la comme chouette. Buffy. Et notamment, une scène qui m'est beaucoup revenue, c'est celle, vous savez, où elle arrête l'épée. Ouais. Et qu'est-ce qui te reste? Moi. Ouais. Des meilleures scènes. Ouais. Ah ouais, des meilleures scènes de toute la série, incroyable. C'est incroyable. Mais voilà, c'était la petite aparté Buffy, puisqu'on mais demandait... Mais t'y penses, genre, avant même des trucs de la vie normale Ouais, bah ça peut être ouais, sur des trucs de la vie normale, quoi. Clairement, ou je sais pas, je dois être fort pour un truc, Buffy et je vais me dire, ok, qu'est-ce que Buffy ferait, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et vraiment, ouais, joue là comme Buffy, quoi. Ou... sur des castings où je dois jouer, je sais pas, une femme forte, enfin qui me rappelle. Qui... C'est ton modèle direct du coup. Ouais, je peux très bien me dire, ok, il y a ça qui se rapproche. Enfin voilà, je sais que ça peut être une inspiration pour moi. Voilà. Ouais, je comprends. Ouais. Pour moi aussi, ajouter ma petite touche sur Buffy. En fait, si. Moi, ce que je garde aujourd'hui de Buffy, c'est vraiment ce côté du pouvoir, en fait. Enfin, je trouve que plus on avance dans la série et plus cette notion de pouvoir est présente. Et ce que je trouvais qui changeait dans Buffy, pour le coup, c'est que c'était une super-héroïne, mais qui n'a pas choisi. Elle a été choisie enfin, et elle subit un peu quelque part sa condition, contrairement, enfin, je sais pas, je suis pas une spécialiste en super-héros, mais à plein de super-héros qui décident de prendre le masque, elle n'a pas décidé, elle voudrait juste être normale. Et ça, oui. Je trouvais ça assez dingue, en fait, comme personnage auquel s'identifier. Et à la fin, en fait, je ne sais pas comment vous vous positionnez par rapport à la fin de la série Buffy. Moi, je trouve cette fin incroyable. Bon, on l'adore tous, hein, je oh, crois. Oh, bah, super. Oui. Ouais, bah, très bien. Le message est... oui, mais... Et en fait, quand elle décide de partager son pouvoir, quand elle fait ce discours au potentiel, mais qui s'étend à toutes les femmes, pour moi, aujourd'hui, ça résonne... d'autant plus avec ce qui se passe en ce moment, avec les actualités. En fait, je trouve que voilà, la série n'a pas peur d'utiliser le mot pouvoir. Le pouvoir, prenez-le en fait. Prenez le pouvoir, levez-vous, indignez-vous. Et quand elle finit par dire « Are you ready to be strong ?» Enfin, voilà. Des poils. Chair de poule, voilà, ça c'est fait. Et voilà, moi c'est à ça que je pense régulièrement par rapport à la série et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui me porte. Et quand tu dis qu'est-ce que ferait Buffy, ben en fait, elle fait ça, Buffy. Elle est forte et elle y va, quoi. Et allons-y. Oui, voilà. Elle partage son pouvoir et s'attaque à quelque chose de plus grand qu'elle à chaque fois. Mais et elle y arrive. Elle y arrive à chaque fois. Ouais. Vous en parlez avec beaucoup de passion, ça fait plaisir. Je crois qu'on s'est pas trompé d'inviter. Bien joué. On l'aime. Bien joué. Non, super. Ouais, super génial. Merci beaucoup. Eh ben merci beaucoup. On va passer. Nous, de notre côté, on va faire une petite pause. Mais pour nos auditeurs et auditrices, c'est le moment de retrouver Reaper. Donc vous le savez, la série audio qui raconte la jeunesse de Tonton Giles dans les années 70 à Londres. C'est exceptionnel. Quand il était jeune. C'est comédien de cette série, mais audio, mais ils sont énormes. Donc rappelez-vous, dans le dernier épisode, Phil, Ethan et Rupert décident de faire des bonnes actions magiques avec le Big Book pour se racheter. Hein. Et de son côté, Paige vient de rencontrer une certaine Clada. Il a fait un preview aussi de Sartre. J'ai fait un preview aussi. T'es malade. T'es un vrai Giles, quoi. Voici donc l'épisode 10 de Reaper à retrouver, hein, vous le savez, sur YouTube. Oui, il y a une playlist YouTube. Il y a juste l'épisode parce que là, vous êtes obligé de. Voilà, il y a des trucs qui se passent. Ah voilà, on se retrouve dans 9 minutes. On finit l'émission. C'est parti pour Reaper. Reaper. Épisode 10. Fantôme contre fantôme. Salut, c'est Philippe. Je suis pas chez moi. Je vous parle par l'intermédiaire de mon tout nouveau répondeur automatique. Ouais, je sais, c'est un peu la classe. Pour ceux qui connaissent pas cette nouvelle technologie, dans quelques secondes, à la fin de mon message préenregistré, vous allez pouvoir vous-même me laisser un message qui va être enregistré sur une bande magnétique afin que je puisse l'écouter ultérieurement. Ouais, je sais, c'est de la science-fiction. Ça m'a coûté une fortune. Gros bisous. Ouais Phil, très très long ton message de répondeur. Tu te souviens, on avait évoqué l'idée de faire des bonnes actions magiques. Bon, alors j'en ai trouvé une. D'après mes informations, un fantôme hante les allées du British Museum depuis quelques semaines. Les autorités tentent de garder cette histoire secrète, mais le fantôme fait de plus en plus de dégâts. Alors je pense qu'avec le livre, on peut réussir à le virer du musée. Donc rendez-vous à 1h15 devant le musée. Ethan est déjà au courant. N'oublie pas, hein, 1h15. Et c'est toi qui apporte le thé. Ah, très sympa cette visite du British Museum de nuit. Hein, Phil ? Tout à fait d'accord avec vous, mon cher Ethan. Et puis, cette pénombre qui nous empêche de voir les œuvres, c'est génial. Ah oui, mais le mieux, c'est quand on se casse la gueule dans les escaliers. J'adore, hein. Ça donne vraiment un truc en plus à l'expérience. Mais vous allez la fermer. Le fantôme sort la nuit, on était obligés. Eh, Rupert, l'égyptologie, c'est par là. S'il y a un fantôme dans ce musée, il y a peut-être plus de chances de le trouver du côté des momies, non ? Non, je pense pas. Les témoignages parlent d'étranges sons de cloches accompagnant les apparitions. J'ai déjà ma petite idée sur l'origine du spectre. Des sons de cloche ? Et c'est le fantôme d'une vache qu'on cherche ? Non, on cherche un moine irlandais du nom de Conall Kell. Il a vécu à Inchkill, au 6e siècle, ça vous parle ? Oh, tu sais, moi les Irlandais... À l'époque, c'était les débuts du christianisme sur l'île, et les pèlerins utilisaient les cloches pour se retrouver entre eux. Celle de Conall Kell est exposée ici, dans la salle de droite, là. Normalement, on y arrive. Et attention à la marche ! Hein, quoi ? Quelle marche ? C'est fou. Comment tu fais pour savoir tout ça? C'est dans les cours que j'ai séchés qu'ils ont parlé de ça? Non. Ça fait juste 3 jours que je fais des recherches. Tu sais? Dans des trucs qu'on appelle bouquins. Ah oui, sympa. Genre on est des analphabètes, nous. Chut! On arrive à la cloche, là. Écoutez. Ah mais elle est toute pétée, cette cloche. Par contre, effectivement, il y a un truc louche. Elle est posée tranquillou sur son étagère, et elle sonne quand même. Ça n'a pas de sens. Tiens, Ethan, mets-toi là et mets ça sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le casque du père de Conal Kell. Il était chevalier. Mets-le, ça va le faire venir. Ok. Et toi, Phil, tu te mets là. Et quand je te dirai top, tu exposeras la cloche avec ce marteau. Hein? Attends. Tu veux pas nous briefer un peu sur le plan là? Je comprends que dalle là. Non, on n'a pas le temps là. Le fantôme va sûrement arriver. Ouais, moi je veux bien un petit brief aussi. Oui, moi aussi. Ah mais il est immense! Tu pouvais pas dire que c'était Hulk, ton moine fantôme? T'as dit. Mais pourquoi il me fait un câlin? Parce qu'il croit que je suis son père? Non, c'est pour te tuer. Il détestait son père. Il l'a broyé à main nue. C'est pour ça qu'il est devenu moine après. Par rédemption. Non mais quoi? Mais tu pouvais pas le dire avant? Non mais c'est bon, t'inquiète, ça va durer 2 secondes, le temps que je lance la formule. Et... Phil, tu fais quoi là? Bah je pète la cloche! On peut pas laisser Ethan comme ça, il va étouffer! Mais Phil, c'est pas possible d'être aussi débile! La cloche, fallait la défoncer quand le fantôme aurait été enfermé dedans. J'allais faire la formule, il y en avait pour 3 secondes. Là maintenant, plus rien le raccroche à ce lieu. Il a dû partir hanter un autre endroit, il va être impossible à retrouver. Oh, sacré poigne, le petit moine. Ça va, Ethan? Ouais. Rupert, je comprends que tu l'es mauvaise depuis l'histoire Baldur, mais si tu veux qu'on fasse ces bonnes actions magiques ensemble, va falloir que tu nous fasses confiance. Et que tu nous expliques les plans avant qu'on risque notre peau, c'était chaud là. Ouais, bon, peut-être. Ok, désolé. Alors, c'est quoi ton plan? A priori, pour les fantômes, c'est toujours un peu pareil. Localiser, attirer, enfermer, détruire. Là, on peut déjà commencer par localiser, et pour la suite, on verra. C'est quoi les infos que t'as? Pas grand-chose, comme je t'ai dit tout à l'heure. Des bruits étranges, des apparitions bien flippantes. Le curé a fermé l'église en attendant des exorcistes qui doivent venir de Rome. Mais moi, j'y crois pas trop à ces bondieuseries. Comme par hasard, c'est dans la seule église qui accueille des catholiques irlandais que le diable se manifesterait. On est encore les méchants de l'histoire. Oui, surtout que les fantômes, c'est plus une histoire de plan astral que de religion, je crois. Donc rien à voir. C'est dingue tout ce que tu sais sur l'occulte. J'aimerais tellement que tu m'apprennes. Non, vraiment, c'est pas grand-chose. Je connais que les trucs de base, moi. Comme ça, par exemple. Ein vacio constandetum. C'était quoi, ça? C'est très simple. C'est juste pour faire apparaître l'autre plan astral dans une pièce, s'il y en a. Oh, apprends-moi. Oui, moi aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il m'attrape comme ça? Tadi! Attends. Je vais tenter un truc. Lazy Tufa, Kenzendlu, Zangazeze. Tadi! Ça va? Mais c'était quoi ce truc? Un fantôme, je crois. On aurait dit frère Tuck, mais en beaucoup moins sympa. Et t'as fait quoi avec la formule? Tu l'as retué? Non, c'est un truc temporaire pour gagner du temps. Vaut mieux qu'on se casse avant qu'il revienne. Ok. Mais Paige... Quoi? Faut vraiment que tu m'apprennes tes sortilèges. Oh oui! Et c'est pour l'Irlande! C'est incroyable, incroyable! Les Verts reviennent à seulement 3 points de l'Angleterre. Cette fin de match va être sensationnelle. Oh, et puis quelle ambiance! Les supporters sont en train de faire trembler tout le stade. Des tribunes aux couleurs des vestiaires. Je suis sûr que les murs en vibrent d'excitation. Brouillez-vous, il part vers le local technique. Ethan, t'es en place? Yes, sir, je suis devant, je vois arriver. Phil, tu coupes le couloir. Affirmatif, j'arrive là, ça va le faire. Ethan, ça veut dire que c'est à toi de lancer le sort pour l'enfermer. Je suis trop loin, moi. No problemo, c'est parti. Enkatam, swim, entwam. Enkatam, swim, entwam. Enkatam, swim, entwam. Hop là! C'est tout bon. Le moine est dans la bouteille. Bien joué, mec! J'arrive dans 2 secondes, terminé! Oh la vache! Il nous aura fait courir, l'Irlandais! Bien joué, Ethan! Bravo tout le monde, beau travail d'équipe! Maintenant, on va détruire la bouteille, mais en suivant un protocole bien précis, pour que le fantôme ne revienne jamais. Rupert, c'est normal que la bouteille frétille comme ça? Je sais pas. Non mais là, elle essaye de se barrer, j'ai carrément du mal à la tenir. Ouais, c'est super louche! Ah non, mais elle s'en va là! Bravo, vite, on la suit. Quoi, je ne t'amène. Paige? Rupert? Bah, qu'est-ce que tu fais là, chaton? Chaton? C'est ça ton ex? Ouais, je te présente les trois crétins dont je t'ai déjà parlé. T'avais pas menti, hein. Belle tête de vainqueur. Salut, moi c'est Ethan Rain. C'est quoi ton petit nom? Adorable. Moi mon petit nom c'est Dégage avant que je te tabasse. Bon super tout ça, mais Paige, qu'est-ce que tu fais avec cette bouteille dans la main? Tu peux nous la rendre s'il te plaît? Et pourquoi elle te la rendrait? Binoclar. Paige, tu nous expliques ce qui se passe? Vous faites quoi? On est venu chercher notre compatriote Conal Kale avant que de sales rose beef comme vous le fassent disparaître. C'est un fantôme. Lui faire quitter notre plan astral, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. T'es qui, toi, pour décider de ça? Il a peut-être son mot à dire. Paige, dis à ta copine de baisser d'un ton avant que je m'énerve. Paige, dis à ton pote de dégager d'ici avant que je le démarre. Hé, hey, tu te calmes, la roquemoute, parce que moi aussi, je peux t'en coller une. Ah ouais? Bah viens, je t'attends. Paige, pourquoi t'as fait ça? Voilà, comme ça c'est réglé, le fantôme est parti, on va tous se calmer et rentrer chez nous. Ok, bon, eh ben on fait ça. Venez, les gars. Ouais, c'est ça. Barrez-vous, les chatons. Bonne nuit, Paige. Juste avant de partir, Clada, c'est ça? Je te laisse ma carte. Dessus, il y a mon numéro perso. Et tu peux m'appeler quand tu veux, ma belle. C'est incroyable. Incroyable. Drop à la dernière minute. C'est historique. L'arbitre siffle la fin de ce match. Les deux équipes se quittent sur un résultat nul. Anglais et Irlandais n'ont pas réussi à se départager aujourd'hui. Peut-être y arriveront-ils lors du match retour. Ici Twickenham, à vous les studios. Quelle tension insoutenable! Des émotions comme ça, il n'y a vraiment que le rugby et peut-être aussi la trilogie du samedi pour nous les faire vivre. Ethan Rain a-t-il bien fait de donner son numéro personnel à Clada? Quelle était la signification de ce bruit étrange juste après? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Ripper. Et oui, Ripper, donc c'était donc l'épisode 10. On fait des gros bisous à nos guests, Samantha, Nabla. Et Fabien Clavel. Et Fabien Clavel, rappelez-vous, qui a écrit ce superbe livre sur Buffy, Baroque épopée. Qui était venu nous en parler dans le podcast. Ah, c'était trop bien. Ouais. On a fait jouer que les copains dans cette fiction. Que les copains. Il reste plus que deux épisodes, soyez attentifs. Alors là, il n'y a plus de surprises, on les a déjà tous enregistrés. Ils sont montés, ils sont prêts à diffuser. C'est juste qu'il faut qu'on organise des podcasts, quoi. Et ils seront diffusés dans les deux prochains podcasts. Mais pour l'instant, priorité au direct, c'est l'heure des 6 thèmes Buffy. Tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Why can't you just masturbate like the rest of us? Oui, c'est l'heure du cinéma. Là, oui, c'est l'heure du cinéma. Tu vas aimer ça. Donc, qui veut commencer d'ailleurs? Est-ce que quelqu'un veut se lancer, proposer à nos auditeurs auditrices? Ok, bravo. Mallory, je t'écoute. Ah oui, parce que moi, j'en ai plein. Et si je commence? Non, alors un seul déjà. J'en ai quatre. J'ai menti. Moi, j'en ai deux, mais je vais aller très vite. C'est des jeux vidéo. Alors, deux, hein. Le premier, c'est Undertale. C'est drôle. Pourquoi c'est drôle Undertale? Ça paraît d'être drôle ce jeu. Il est comme ça. Oui. Il est vraiment pas content. Comme ça, ouais. Qui est un jeu vidéo qui a été développé par Toby Fox. Et Undertale, qu'est-ce que ça raconte? C'est en fait un jeu qui raconte l'histoire d'une enfant qui tombe dans un trou dans le sol. Et ce trou mène dans un univers démoniaque qui est séparé du monde des humains par une barrière magique. Et Alice au Pays des Merveilles. Un petit peu, c'est un peu ça. Et cet enfant va se balader du coup dans cet univers pour essayer de comprendre comment s'en échapper. Peut-être comprendre que les méchants ne sont pas si méchants et les gentils ne sont pas si gentils. Et je trouvais que c'était pas mal relié avec le thème de l'épisode. Le trou. Avec le trou, le thème du trou, n'est-ce pas? Ouais. Okay. Et je ne peux pas m'empêcher de parler d'un deuxième jeu. Je suis impuissante. Bah, dépêche-toi alors. Le deuxième jeu dont je voulais parler, c'était Expédition 33, Clair Obscur. Ah, on entend beaucoup parler de ce jeu en ce moment. Que j'ai terminé il n'y a pas longtemps et que je ne peux que vous conseiller de faire parce qu'il est absolument magnifique. Et c'est vrai qu'on se bague des baguettes. Non, pas du tout. Moi, j'ai entendu ça. Hein. Mais pas du tout. Si, déjà, y a un personnage qui fait ça. C'est un jeu qui a renouvelé le gameplay du JRPG, déjà, au point que Square Enix invite Sentinel Studio dans ses studios, justement, pour en parler. Pourquoi ça me fait penser à Buffy? Parce que, tout simplement, c'est un jeu qui va beaucoup user de l'image, un peu de la métaphore. Je ne vais pas dire grand-chose, parce qu'il faut vraiment y aller sans rien savoir, pour parler de la vie, beaucoup de la perte, de comment on gère la perte d'être cher, de l'amour aussi, et qui va aussi beaucoup parler... en fait, c'est, on va dire que c'est une expédition qui est la 30e, je ne sais pas, qui part, pour empêcher la fin de leur monde. Et le but un peu de cette expédition, ça va être d'essayer d'empêcher ça, tout en se disant que peut-être ils ne vont pas y arriver, et de se dire on va faire ça pour ceux qui viendront après nous. En fait, il y a une phrase qui revient dans le jeu beaucoup, qui est pour ceux qui viendront après. Et je trouve que ça fait beaucoup écho à la fin de Buffy, qui disperse son pouvoir en fait à tout le monde pour les générations qui vont venir après elle. Et ce jeu m'a beaucoup fait penser à ça, et vraiment, faut y jouer parce que c'est un chef-d'œuvre. Incroyable. C'est une des plus belles œuvres vraiment pour moi qui a été créée au monde. Et c'est un jeu français, c'est au ça monde, ouais. C'est un jeu français. Pour moi, ouais. Confondu film, série, livre, c'est une des plus belles œuvres vraiment. La BO qui est magnifique. J'ai pas fait le jeu, incroyable. Mais la BO. La BO est incroyable. C'est même voilà. Sans avoir fait le jeu finalement. Ouais. Ouais, incroyable. Ouais. Il faut y jouer. Il est exigeant en termes de gameplay, mais. Ça fait penser à ce que tu racontes sur les expéditions, tout ça. C'est comme la Horde du contrevent d'Alain Damasio. Il y a une transmission, justement, les premières hordes laissent des informations pour celles d'après. Même si elles savent qu'elles ne vont pas y arriver, le but c'est de paver le chemin en fait, pour les générations qui viennent. Ouais. Et je trouve qu'on devrait peut-être aujourd'hui beaucoup plus raisonner comme ça et se dire pour ceux qui viendront après, laissons un monde peut-être meilleur. Et pue, ce jeu vu, parle beaucoup entendu de mon ça. Pitch tout à l'heure, ça, ouais, ça pue. J'ai entendu. Hein. Mais ce jeu parle beaucoup de ça et parle de ce postulat, tout en racontant d'autres choses sur la vie, l'amour, la mort, tout ce qu'on veut. Donc il est vraiment merveilleux. Voilà. Eh bien merci pour ces deux. Si t'as un Buffy, tu as ça, tu peux pas couper. T'en as dit deux. 3, c'est bien. Riley, vous avez un Buffy, tu as ça? Oui, bah, j'en ai même deux. Non, mais il y en a un qu'on a vu ensemble. On peut parler de ça d'abord, Sarfman. Je note qu'on dit que les recos sont au top, alors pardon. Ok, moi j'ai. Il y a 10 ans, quand Netflix est arrivé en France, je sais pas si vous vous rappelez, ils ont dit il y a une énorme série qui commence, c'est la série des Wachowski, ça s'appelle Sense8. Est-ce que vous vous rappelez de cette oui, série qui a ouais. 10 ans là extraordinaire cette série. Et ben j'ai relancé Sense8, donc je suis en cours là, et c'est génial. Donc j'avais déjà vu, mais je redécoure, c'est ça que j'appréciais le revisionnage. Là. Plein de trucs que j'ai oubliés évidemment. Je redécouvre, et puis comme c'est une deuxième fois, tu revois des choses que tu n'as pas vues la première fois, forcément. Et c'est une œuvre incroyable. Donc ça parle de 8 personnages aux 4 coins du monde qui sont connectés, qui sont des sensitives, et qui sont connectés à la fois émotionnellement, mais ils peuvent se voir les uns les autres. Il y a tout un jeu sur le montage, en fait. Je voudrais beaucoup appuyer là-dessus, sur le montage. Il y a des moments... de fluidité, de dingue, où on passe d'un endroit à l'autre, il y a des dialogues qui sont dans différents, monde, ouais, différents lieux en même temps, et le tournage que ça a dû être, c'est un truc de fou en fait. Quel est le rapport avec Buffy, Ryland? Est-ce que je peux terminer je sais pas. Tu parles depuis trop longtemps là. C'est un podcast sur Buffy, mais vas-y, dis-nous. Et donc je le disais, il y a les 8 personnages qu'on suit, et ils ont tous un. C'est tous des. Pas tout, justement, il est... Attends, il m'a perturbé, le salaud. Il y a des marginaux, c'est des gens qui sont un peu perdus, qui ont des choses à cacher, qui sont à la marge, un peu comme dans Buffy, par exemple. Et... Non, mais... Donc, revoyez Sense8, hein, si vous avez oublié cette série, revoyez-la, elle est magnifique. Très dommage qu'elle ait été annulée... Bah non, il y a une vraie fin quand même. Ils ont réussi à faire une vraie fin. Il y a eu un dernier épisode de 2 heures qui conclut la série. Je me rappelle plus. Et il y a également Saïd de Lost dans cette série. Donc c'est très important. Voilà. C'est important. Et il y a Daryl Hannah aussi. Important aussi. Splash, on s'en rappelle. Roxane, Juliette, des Sitem Buffy, tu vas aimer ça? Oui. Alors, moi, j'ai un film québécois qui s'appelle Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant. Donc vampire, le suicide comme on a vu dans l'épisode. Exactement. Là, enfin une personne qui respecte la charte de cette partie. Un vrai système de fille, tu vas aimer ça. Et puis c'est une histoire d'ado. Non vraiment, je trouve ça super. Et puis moi j'adore les films québécois. Je trouve qu'ils ont une liberté de jeu qui est exceptionnelle. C'est très drôle. Donc très touchant, donc allez-y. Et en deux mots, quelque chose qui est déjà sorti depuis longtemps, mais moi j'y ai joué que cet été, c'est les Life is Strange, qui pour moi sont des jeux pareils d'ado. En fait, on a l'impression que c'est des jeux d'ado, mais ils traitent des sujets ultra dark, ultra noirs. Justement, ça parle de suicide, de harcèlement, du port d'armes. Enfin, vraiment, je trouve que c'est des petits bijoux, quoi. Et chaque choix qu'on fait change tout à l'histoire. Et il y a des fois, à force de choix, on est comme dans l'épisode avec Cassie, on peut pas empêcher les choses de se passer. Et là, tu mets sur pause, tu poses la manette et tu dis non. Voilà. J'irai pas plus loin. Non, mais c'est vrai que vraiment, ce jeu, il est assez bouleversant. Quoi. Je trouve que tous les Life is Strange sont très bouleversants. Voilà, c'était mes deux recos. Merci beaucoup. Alors, moi, Sartman, tu vas être fier de moi parce que je vais dire qu'une seule reco. Oh là là, c'est pas possible, la faillotte, c'est un truc de malade. Je peux être la chouchoute. Non, ça suffit maintenant. Mais au premier rang, c'est un truc de fou. Donc, je vais vous conseiller un film. Un film de 2013 réalisé par Jim Jarmusch qui s'appelle Only Lovers Left Alive. Et c'est très classique, hein, le lien avec Buffy, c'est parce que ça traite de vampires. Mais aussi parce que je trouve que l'esthétique de ce film se rapproche quelque part de la série de Buffy. La lumière, enfin l'image de ce film est dingue. On est très dans le clair-obscur. Et il y a toute une atmosphère et une ambiance ultra rétro. C'est un film très rock'n'roll parce que donc un des personnages principaux qui est un vampire est un ancien musicien, ou même est un musicien à succès. Et je trouve que Buffy est une série ultra rock'n'roll, d'autant plus que c'est sorti à une époque où les boys bands faisaient un petit peu leur explosion et donnaient une place aussi importante comme un lieu comme le bronze. Où t'as vraiment des groupes qui jouent en live et tout. Moi, c'est un truc qui m'a marqué dans cette série. Dans Buffy, et du coup, on retrouve aussi cet esprit-là dans le film. Moi, je vais vous parler de Fanny contre les vampires, figurez-vous. Mais non. Ça existe, c'est un spectacle. Ah oui, j'adore cette fille, elle est trop bien. Ah, tu connais, je connais Fanny Spinetta. Exactement, elle est super. Eh bien, elle est d'autant plus super que nous avons eu la chance de la voir sur scène. Faire ce spectacle, Fanny contre les vampires, c'est un seul en scène burlesque, donc de Fanny Spinetta. Elle y raconte sa rencontre avec un garçon pas comme les autres, et pour cause, c'est un vampire. Et donc, il n'y a pas que le titre qui a un rapport avec Buffy, il y a un vrai lien dans le spectacle avec Buffy, mais aussi avec la figure du vampire en général, avec Kill Bill aussi, par exemple, dont elle s'inspire beaucoup... à travers le spectacle. Et alors ça raconte quoi? Donc comme j'ai dit, c'est un seul en scène burlesque. Ça raconte l'histoire de Fanny et de ce vampire et comment cette histoire fait qu'à la fin du spectacle et à la fin de l'histoire, Fanny est devenue plus forte et a pris du pouvoir, comme on en parlait, comme dans Buffy en fait. Moi j'ai beaucoup aimé ce spectacle. Et d'autant plus qu'il y a des scènes d'effeuillage burlesque pendant le spectacle. Je vous vois venir, hein, je vois les yeux qui frétillent, là, bien sûr. Ce n'est pas pour me rincer l'œil, c'est pas pour ça que j'ai beaucoup aimé ces scènes, c'est parce que donc ces scènes d'effeuillage ont un vrai sens dans la narration, en fait, dans l'histoire, dans ce que nous propose Fanny. En fait, quand elle enlève les costumes, ça a une vraie signification pour le personnage d'enlever les costumes représentant des images, des rôles qu'on lui attribuait ou qu'elle s'attribuait et qu'elle enlève. Et donc, il y a une vraie puissance symbolique vachement forte dans ces moments de burlesque. Et moi, je n'avais jamais vu ce genre de spectacle, j'ai complètement adoré et donc c'est super. Ça s'appelle Fanny contre les vampires, donc il n'y a eu qu'une seule représentation apparemment pour l'instant. Je vous invite à suivre les réseaux sociaux, donc je le répète, de Fanny Spinetta pour savoir s'il y aura d'autres dates à venir, parce que je le répète, c'était vachement bien et complètement sur la ligne éditoriale de Buffy contre les vampires. Bah, là, un vrai pourquoi, enfin vrai, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Sarkman, c'est qu'il y a une grosse métaphore. Et Riley était avec moi, m'a accompagné à voir ce spectacle. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Riley? Ben, moi, je suis moins enthousiaste que Sartman. J'ai trouvé ça. C'est vrai que quand tu le racontes, j'ai envie qu'elle sorte vraiment avec un vampire. En fait, elle sort pas avec un vampire. Elle sort avec un homme toxique qui va lui prendre son énergie. C'est un vampire. Il zozote, il a une cape. C'est elle Dracula. Elle sort avec Dracula. Ouais, mais c'est pas ça le sujet de l'histoire. Elle prend le vampire. Elle le dit même. Parce qu'à c'est un moment, une métaphore, le vampire. Oui, mais c'est exactement comme Buffy. Donc, c'est pas pour rien qu'elle le fait, évidemment. Mais du coup, je trouvais que c'était un peu trop. Évident, en fait je m'attendais à voir ça et c'est ce qui a donné. Il n'y avait pas plus, à part le burlesque, parce que j'étais pas au courant et que du coup je me suis dit, mais pourquoi? Parce qu'en fait, à la fois elle raconte sa vie privée, parce que tu sens que c'est du vécu ce qu'elle raconte et qu'elle se dévoile même intimement en se déshabillant sur scène. C'est génial, oui, elle dévoile par la narration et aussi par la mise en scène, du coup, en enlevant toutes ses couches et tout, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi. Et c'est pas toujours constant. Oui, ça serait très drôle également. Ouais, faut. Bah justement, j'ai pas trouvé ça tout le temps drôle. Et j'étais plus. Les moments émouvants étaient plus importants pour moi que les moments de comédie. Alors que toute la première partie du spectacle, c'est quand même très comédie. Enfin, pour moi, ça essaye d'être comédie, mais ça manque peut-être d'un truc. Et que du coup, il y a ces côtés burlesques qui coupent l'histoire, enfin, qui coupent la chose, mais qui. Je sais pas. C'est. Oui, c'était un peu entre mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire. Toi, t'es mi-figue, mi-raisin, moi, je suis complètement raisin. Moi, j'ai adoré. Moi, je suis plus figue, du coup. Non, bref, en tout cas, moi, j'ai adoré. Riley, un petit peu moins. Donc, en tout cas, super performance de la comédienne. En fait, pour le coup, elle tient le spectacle toute mais seule. Il faut que les gens se fassent leur propre idée, je pense. Bah, ça m'a donné envie, en tout cas. Vu qu'ils savent pas si... C'est toi qui as raison ou si c'est moi. Je pense que le mieux, c'est qu'ils aillent se faire. Raison, le mieux, c'est qu'ils fassent une nouvelle représentation du groupe. Voilà. Ouais, parce que, effectivement, je ne savais pas qu'elle jouait qu'une seule fois. Du coup, elle essaye de. J'ai pas le vu, spectacle. Moi, j'ai pas d'infos, en tout cas, qui donnent d'autres dates. Et là, apparemment, ce qu'on a vu, c'était la première fois. Ouais, du coup, ça, je pense que ça mériterait d'être poussé. Parce qu'effectivement, on la sentait peut-être un peu aussi stressée. Enfin, c'est le spectacle vu. Hein, donc c'était une première. Peut-être que si elle joue plusieurs fois, ce sera bien meilleur. Eh bien, on espère qu'il y aura d'autres représentations et que vous irez tous nombreux et nombreuses voir ça. D'autres sites un peu futurs, aimé ça? Non, on a fait le tour. Maintenant qu'on est lancé. Tout le monde en a fait 14 chacun. Oui. On va. C'est la fin. Je crois que c'est la fin. C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. C'est fini. Incroyable. On va faire d'énormes bisous au chat. Merci d'avoir été là. Merci le chat. Merci à nos deux invités. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. C'était trop cool. Ouais. Très bien. Et donc, on va vous dire à une prochaine. On ne sait pas quand, évidemment. Oh, 2026, probablement. Pourquoi? Tu ne sais pas. Peut-être. Peut-être que le 31 décembre 2025, on fera un podcast. Alors, il faut me prévenir maintenant. Donc voilà, on essaye de faire un prochain podcast très, très vite. Saison 5, la prochaine fois. Ouais, saison 5. On compte sur vous pour nous mettre des 5 étoiles iTunes quand même, parce que ça commence à manquer. Ouais, pas sur Spotify. Pas sur Spotify, parce qu'on n'arrive pas à lire. Mais écoutez quand même sur Spotify. Si vous nous envoyez des petits messages, tout ça. On adore vous lire vos messages, en tout cas. Instagram, Blue Sky, Facebook. Et le mail, c'est pourquoibuffycestgenial@gmail.com. Exactement, t'as tout dit. Merci beaucoup, la bonne fin de journée, de soirée, de tout ça, et à très vite. Bisous. Et bisous. Merci tout le monde. Merci.